Et bonjour Sébastien. Salut Matine. Comment il va? Bah écoute, ça va. Bonne forme, il fait super beau en plus aujourd'hui. Il fait super beau, c'est vrai. Dehors il fait beau, il fait un peu froid dedans, on va pas se mentir. Le manteau est pas de trop, mais dehors il fait super beau ici à Anglette. Au Gymnase de la Pignada, je vous rappelle qu'on est en direct depuis Radio No Culture, depuis Anglette, pour suivre ce match de roller derby qui va arriver. C'est le deuxième match du week-end sur 9. Et ouais, c'est la troisième étape de championnat de France de National 2, zone 4, pour être tout à fait précis. Ici organisé par les Valiant Beaches d'Anglette. Et voilà, on va commenter ce petit match avec toi, Seb. Ouais, c'est parti pour un marathon pour l'après-midi, là. Pour l'après-midi, pour le week-end entier, même. Oui, c'est vrai, comme tout le week-end, parce qu'il y a des matchs aussi demain. C'est bon de le rappeler. Voilà, on est sur le deuxième match, il y en a 9 en tout. Et cette fois-ci, on va pas tarder à assister au choc des titans, puisqu'on a d'un côté l'Arby Rackers qui sont première du classement contre les Petites Morts de Bordeaux qui sont seconde du classement. Ah, c'est le top qui joue. Comme d'habitude, 2 fois 30 minutes, le tout découpé en jam de 2 minutes maximum. Et voilà. Oui, rafraîchis-moi la mémoire. Ça fait un mois là. Ça fait un peu plus de mois, un mois et demi. La dernière fois c'était à Mérignac. Là on est anglais, donc toujours en direct sur radionoculture.wordpress.com. Vous pouvez aussi avoir la vidéo aussi sur la chaîne YouTube du Roller Derby Côte Basque, c'est-à-dire les Valiants, celles qu'on réalise ici. Comme ça vous mettez la vidéo d'un côté et les commentaires de l'autre, et comme ça vous pourrez suivre si vous êtes un peu loin. Mais si vous n'êtes pas trop loin, n'hésitez pas à venir. T'as mangé le talon, Seb? Ouais, très très bon, comme d'hab. Je me suis régalé. Et puis j'avais faim, donc il était temps. Qu'est-ce que t'as pris? Comment on dit déjà? Chingar, voilà, chingar fromage. Chingar fromage. Voilà, chingar fromage. Non, c'est vraiment fraîche, ce fromage. Il n'y a pas de thé, c'est pas de chingar, c'est chingar. C'est chingar fromage, voilà. Pardon. On se calme, il va foutre des thés partout là. Bon, ouais, sinon le match a commencé. Allez, je coupe la musique. Le match vient de commencer à l'instant. Et c'est tout de suite Arpi Brakers qui prennent le lead. Tassinator qui prend le lead face à Picasso pour les Petites Morts de Bordeaux qui viennent passer. On rappelle que le premier passage ne compte pas de points, c'est pour simplement pour savoir laquelle des deux équipes va prendre le lead. Et c'est à partir du deuxième passage on va commencer à mettre des points. D'ailleurs, donc c'est Arpi Brakers qui ont déjà mis 4 points. Voilà, ce qui allait passer. Tassinator qui rentre dans l'art. Ouais, elle y va fort. Ouais, il rentre dans l'art et elle repart derrière très très vite pour profiter du trou qu'elle vient de faire pour passer. Tout à fait, voilà. Elle vient de mettre 4 points de plus et la jambeuse adverse aussi vient de mettre ses 4 premiers points. Donc on est à 8 à 4 sur cette jambe pour l'instant. Je pense qu'elle va tenter 4 points et coller directement Tassinator. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, juste avant que son adversaire puisse marquer des points, on sera donc à 12, je pense. 12 à 4, c'est ça. Voilà, les Arpi Rackers donc qui joue en vert face aux Petites Morts qui jouent en c'est quoi noir ouais, violet. Noir. Ouais. Noir violet comme ça. Noir bleu, je sais pas exactement parce que il y a un peu de tout en couleur là. Ouais, c'est ça, voilà. Noir bleu violet vert. Il y a même du vert. Des zébrures bleues et un peu vertes sur fond noir pour être tout à fait précis. Voilà. Ouais. On rappelle un petit peu les règles vite fait. Chaque équipe, voilà, on a deux équipes de 5 joueuses sur des patins à roulettes. Dans chaque équipe, il y a ce qu'on appelle une jammeuse, celle qui a l'étoile sur le casque. Et son but à elle, c'est de dépasser autant de fois que possible les adverses, les bloqueuses adverses. Qui sont 4. Qui sont 4, et donc un point à chaque fois, ça fait 4 points par tour. Sachant que les équipières, les adversaires, les bloqueuses, toutes les bloqueuses sont obligées de rester groupées au même endroit. Elles n'ont pas le droit de se répartir sur tout le circuit. Elles peuvent s'étaler sur une zone de... Je crois que c'est 3 mètres. Ouais, 3 mètres, voilà, c'est maximum. C'est-à-dire de la première à la dernière sur le track, il doit y avoir 3 mètres maximum. Sinon, il faut qu'elles se regroupent, elles sont hors jeu. C'est ça. Et donc à chaque fois qu'elles font un tour, sachant que toutes les joueuses sont obligées de tourner dans le même sens, dans le sens anti-horaire, pour être précis. Et donc, à chaque tour, elle met 4 points. La jammeuse va mettre 4 points. Sachant qu'elle peut complètement avoir 2 points, et si elle n'a pas que 2 et que le jam s'arrête là, elle peut complètement avoir 2 points. Elle n'est pas obligée de passer les 4 pour avoir les 4 points. Voilà, et ça passe pour Carapuce, la jameuse des Petites Morts, qui prend le lead sur ce jam. Ouais, qui met les premiers points d'ailleurs de Bordeaux, alors que Arpi Rackers ont déjà 15 points. Alors elle n'a pas mis de points pour l'instant, elle a fait juste que passer la première. Ah oui, pardon, elle n'a pas mis... Sa bataille sec dans le bloc, elle n'est pas passée. Toujours pas, et elle finit par passer. Voilà, les 4 premiers points mis par Bordeaux. Les 4 suivants. Il y a eu 4 points le jam précédent. Non, tu vois, attends. Oui, 4 premiers points sur ce jam-là. Oui, sur ce jam-là. Ouais. Donc on est à 8 à 15. Vous voyez en fait voilà, que comme c'est à coup de 4 points généralement, finalement les écarts qui ont l'air gros comme 15 à 4, finalement ça peut se combler assez vite. Voilà, 8 points pour 8... les petites morts. Est-ce que la piraqueuse... Ah non, tu vois, elle sort. Ah, elle va en prison. Est-ce que la jameuse, elle a tenté un star pass, elle va en prison, la jameuse des Air Piraqueuse. Donc elle va en prison pour 30 secondes. Ce qui fait qu'en face, on est en power jam. C'est-à-dire que la jameuse des petites morts est toute seule. Et donc son équipe peut entièrement se consacrer à la faire passer plutôt que de on va dire, je vais dire pas de son temps, mais plutôt réfléchir à bloquer l'adversaire. Ouais. Et ça a collé. Et voilà, et donc 12 points sur ce jam et retour des petites morts qui passent devant d'un petit point, 16 à 15. Voilà, vous voyez que très très, très vite ça peut ouais. basculer, hein, 16 points, 12 points dans le jam, c'est une moyenne basse, très très basse. La moyenne c'est vraiment 4, ça arrive très très régulièrement, 8 aussi, à partir d'un peu plus de 8 c'est un peu plus rare déjà. Et 16 pour le coup c'est vraiment très rare et là c'est vraiment ce qu'on appelle des gros jams quoi. Ouais, des gros jams comme on a vu il y a un mois et demi, là t'as rappelé ces jams à 26 points. Il y a eu des jams assez monstrueux à 26 points effectivement. Mais pour l'instant on n'a pas vu, sur le premier match en tout cas on n'a pas vu. Là c'est peut-être la rencontre du... Mais ça passe pour la jameuse des petites morts. La rencontre du championnat, parce que c'est les premières opposées aux secondes. Je rappelle que chaque équipe rencontre une seule fois toutes les autres. Et donc c'est la seule fois où ces deux équipes-là, les premières et la première et la deuxième équipe se rencontrent. Alors la jameuse Harpy Braqueuse est revenue sur le track, elle a fait son star pass enfin. Ouais, Star Pass qui n'a pas été très lucratif. C'est Picasso ouais, pour les petites morts de Bordeaux qui a pris le lead et qui a déjà mis 4 points. Et qui tente en ce moment d'en mettre 4 autres. Elle a réussi 4 autres, mais est-ce qu'en face les Harpy Braqueuse ont réussi? Est-ce que c'est le passage initial des Harpy Braqueuse? Oui. Ouais, c'était donc, le Star Pass là qui. Je pense que voilà, la Bordelaise va essayer de rentrer dans le tas et coller directement. Voilà, ouais. Elle rentre pas dans le tas. Oh, elle a pris un point de plus. Elle a pris un point parce qu'en face, elle s'était pas regroupée. Donc elle a pu prendre un petit point en plus. Ben écoute, 9 points à 15. C'est bon à prendre. On arrive à 25 à 15 pour le score total pour les petites morts. Face à Pibrac. Est-ce que tu sais où c'est Pibrac? Pibrac. Oh, Jussu. Mais c'est à côté de Bordeaux. Ah, je n'en ai aucune idée. Mais c'est à côté de Bordeaux où il y a Pibrac. Absolument aucune idée. Non, je ne sais plus. Je suis très très mauvais en géo. J'ai pas envie de dire de bêtises, donc je me tais. 25 à 15, c'est reparti pour un nouveau jam, ça se bat bien. Ah là là, est-ce que les deux jameuses sont coude à coude, il y en a une qui dort, il faut qu'elle revienne derrière. Voilà, quand une des jameuses met un seul pied dehors, il faut qu'elle revienne derrière toutes les bloqueuses adverses. Et donc ce qu'elle a fait, ce qui a permis donc à Misty Elliott des petites noires de Bordeaux de passer devant. Et là elle a un petit demi-track d'avance, je pense qu'elle va tenter un dernier coup avant de coller. Elle colle, non pas encore, attention, dessinateur derrière qui arrive et qui passe. Et voilà, elle a voulu tenter à Bordeaux, elle a voulu tenter de mettre des points et elle s'est fait avoir. Ouais. Elle s'est fait avoir. Parce que du coup, elles sont les deux à 4 points, mais celle qui a le col est derrière. Donc elle a un énorme désavantage. Et elle colle toujours pas. Hein. Non, elle colle plus, toujours pas. Alors que ça passe facilement pour la jeunesse de Mère Pibrac. Pibrac défend mieux que Bordeaux sur ce coup-là. Ouais. Donc elle est en train de perdre des points. Ouais, je vois pas pourquoi elle colle pas là, histoire d'arrêter l'hémorragie. Parce que là, elle a vu arriver, elle colle. Non, toujours pas, elle colle toujours non, pas. Non, mais il y a peut-être pas de colle en fait. Est-ce qu'il y avait. Non, pourtant, apparemment, c'est quand même Misty Elliott qui. Sur le tableau affichage, en tout cas, c'est marqué c'est Misty Elliott qui a le lead. Qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre, hein. Je sais pas, ça y est, elle est passée et elle colle. Ouais, bah elle attendait. Sauf que. Ouais, ça valait pas le coup. Hein. Non, franchement, ça valait franchement pas le coup. Là, pour le coup, elles ont perdu 4 points d'écart, les Bordelaises, alors qu'elles avaient. Pas 4 points. 7 points d'écart. Ouais. J'ai fait une petite recherche. Pibrac, c'est dans le nord du département de la Haute-Garonne. C'est dans l'arrondissement de Toulouse. D'accord, c'est vers Toulouse donc. Toulouse. Les petites morts qui ont perdu leur avance, on va dire, sont en 33 points contre 30 points pour l'Harpy Braqueuse. Ah, ça peut très vite changer en un jam, c'est oui, elles sont pas loin l'une de l'autre. Et puis là, c'est vrai que depuis le début, ils font quand même des gros jams. Je suis un peu étonné de la part des deux équipes qui sont aussi expérimentées. Généralement, et ça passe pour Carapuche, des petites morts. Et qui derrière, c'est Lucifer qui est juste derrière. Ouais. Parce que Carapuche, elle le tente ou pas? Elle le tente, crapuche. Ouais, ouais, elle y va. Pourtant, non, elle colle. Non, non, non, non, elle colle. Parce que Lucifer derrière est quand même réputé pour être assez rapide. Rapide et elle passe assez facilement. Donc là, c'était pas le moment de tenter quelque chose face à Lucifer. Ah ouais, elle a patiné fort là pour vite rattraper crapuche. Du coup, l'obliger à coller avant de recoller au pack. Hein. Qu'elle n'ait même pas une seule chance de mettre un seul point. Ouais. 33 à 30 jours. On est à, il reste un peu moins de 22 minutes sur le chrono. On rappelle que c'est le deuxième match du week-end. Les Harpies Bracas de Pibrac sont premières du classement contre les Petites Mortes de Bordeaux qui sont secondes du classement. Donc, un beau match qui s'annonce. Et c'est reparti pour un nouveau jam. Oh, là, ça ferraille sec, hein, ça bataille sec, ça défend bien et ça passe pour la jammeuse. De Bordeaux, ouais, c'est Picasso. Picasso, voilà. Picasso, Moonjet pour la Harpie Bracas. J'avais oublié son nom, c'est pour ça que je bafouillais. Mais heureusement, on a le tableau de score, heureusement pas loin. Petites Morts qui ont pris 4 points. Il me semble que la Harpie Bracas sont pas encore passées. Tu me dis si. Elles ont fait un Star Pass. Voilà. Elles ont fait un Star Pass et c'est. Je vais regarder le nom. Et c'est T-Time qui a repris. T-Time qui est donc pivot, qui a la crête sur le casque, qui a repris le lead, on va dire le jam plutôt. La crête sur le casque. Ouais. Bah, c'est une crête, c'est un trait, c'est une crête. Ouais. C'est un trait qui va de derrière à devant. C'est une crête. Non, parce que moi, tu me dis une crête, j'aurais une crête de punk, tu sais, bah, sur ça. Le casque. Bah, ça pourrait être rigolo, remarque. Il manque les cheveux, mais c'est ça. Titem qui met 4 points, les Petites Morts. Qu'est-ce qu'elles font, les Petites Morts? Ah, elles sont en prison, les Petites Morts. La jammeuse des Petites Morts est en prison, et donc Titem, ouf, qui est fatigué déjà, est en power jam. C'est-à-dire que le jammeuse adverse est en prison, donc elle a tout la latitude nécessaire pour marquer des points. Mais Picasso, qui avait le lead, a perdu le lead en allant en prison, donc personne n'a le lead. Ah, et on part en prison aussi, la jammeuse Power jam, ouais. Power jam dans l'autre sens, ces petites morts, elles vont pouvoir en profiter pour creuser un petit peu l'écart. 12 à 4 pour l'instant, il reste 20 secondes. Voilà, comme elles sont allées en prison, il n'y a plus de lead du tout, donc on va jusqu'au bout des 2 minutes. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent plus coller, il faut aller jusqu'au bout du temps une partie de ce jam. C'est ça, la première jammeuse qui arrive à passer les adversaires gagne le lead, mais en allant en prison, elle le perd. Et ce lead sert à simplement arrêter le jam quand elle en a envie, ce qui est quand même un énorme avantage. Et c'est terminé. C'est terminé. Le temps est terminé. Combien est-ce qu'elle a mis des points? 3 et 3. 3 à chaque côté sur ce dernier tour. Donc 15... Ouais, ça va être 15 à 8, je pense. 15 à 9, peut-être. 15 à 7 pour moi. 15 à 7, oui, plutôt. 15 à 7, c'est ça, les Petites Morts qui prennent une petite avance, 48 à 37, 11 points d'écart, 11 points c'est vraiment c'est rien. Voilà, c'est un jam. Un seul jam, on peut doubler ça. Alors, Fibra Case à 35, les Petites Morts de Bordeaux à 48, il reste un peu moins de 20 minutes. Ici, les lumières se rallument. Quelqu'un avait éteint les lumières. Aïe aïe aïe. C'est les enfants ça qui jouent un peu partout. Ah, parce que dès que le soleil qui se cache un peu par un nuage, là c'est vrai qu'on perd en luminosité. C'est reparti. Misty Elliott encore une fois pour Bordeaux qui a pris Star le lead. Pass, ouais. Star Pass du côté d'Harpie Bracas. J'ai pas vu le nom de la joueuse qui a pris le. Non, j'ai pas pu non plus. Attends, c'est terminé. C'est déjà terminé. C'était rapide, je crois. 4, 8 points peut-être. 8, tu crois? Ah non, 4. Non, 4, 4 points pour les Petites Morts. Écoute, elles ont de l'avance. Là, elles savent à quelles ont à faire. Hein. Je veux dire, les Pibra qui est quand même l'équipe numéro 1 du championnat. Si. Celles qui descendent de N1, Pibrac, elles étaient à N1 l'année dernière. Ah ok. Descendent de N1, donc autant te dire qu'elles ont du niveau et qu'elles risquent de peut-être potentiellement remonter pour l'année prochaine. Voilà, si c'est la question que j'allais te poser. Après, je sais pas si tu sais, mais qui c'est qui remonte les premiers du classement, les deux premiers. Il me semble que les deux premiers vont en play-off. Ouais. Et qu'à partir de là, elles ont une chance de remonter. Il faut gagner les play-offs pour remonter. Ok, d'accord. Donc les deux premiers deux premiers du championnat vont en play-off. Alors ce n'est pas assuré qu'elles remontent à N1, mais elles ont une chance. D'accord, ok. 52 à 37, les Petites Morts devant. Les Harpies Bracas ont le lead et viennent de mettre 4 points. Et ont collé aussi sec. Ouais. Parce que Carapuge n'a pas mis. Non, elle n'a pas mis de points. Ouh. 4 à 0 sur ce jam. Ah, il y a une petite chute. Ouais, mais alors entre les joueurs sortants et les joueurs entrants. Deux joueuses de Bordeaux qui sont percutées. Dans le brouhaha du, des échanges, parce que oui, elles sont 5 par équipe sur le terrain, mais c'est un jeu extrêmement fatigant, donc elles peuvent être jusqu'à 15, donc 10 autres joueuses sur le banc, et elles se relaient à chaque jam. C'est même très rare qu'il y ait la même joueuse qui fasse 2 jams d'affilée. Ça permet de se reposer, d'être un peu plus frais pour la suite. Oula, Lucifer qui est passé au bout de quoi 2 secondes. Ah ouais, mais comme s'il n'y avait pas de défense, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis alors, elle patine vite. Hein. Wouh, patine très très vite, Lucifer. Elle est déjà en train de rattraper le pack, ouais, qui a à peine avancé. Qui a fait quoi? Même pas une demi-tour. Picasso qui est passé à son tour. Lucifer qui a marqué. Oh là, Lucifer qui fait des fausses esquives, comme on dit. Des passements de jambes sur le beat de flanc. Ouais, on a presque dit un passement de jambes, ouais, tellement. Elle fait des gauche-droite. Des tic-tac. Elle passe, donc elle a mis 4 points. Picasso a mis 4 points aussi. Lucifer qui en passe de mettre 4 points. Aïe, aïe, aïe. Lucifer qui se fait recycler et Picasso qui va remonter à son niveau. Elles sont à 4 points, à 4 points chacune. Est-ce qu'elle va coller? Lucifer qui vient de passer, il lui manque une. Voilà, elle colle, ouais, voilà. C'est bon, elle colle. Elle colle, mais est-ce que les petites morts ont. Ah, tu vois, les petites morts ont eu le temps de marquer 4 points aussi. Hein. Ah, les 4? Ah non, peut-être pas les 4. Non, peut-être pas 4, peut-être 1 ou 2, mais. C'était marqué 4 de plus. Non, d'après l'arbitre qui suit la jammeuse des petites morts, il n'y a pas eu de points. Non, mais c'était sur le tableau, ils avaient rejeté 4 points alors qu'il ne fallait pas. D'accord. Petite erreur, ça arrive, corrigé très vite. Donc 8 à 4 sur ce dernier jam pour la Fibraqueuse. On redescend à 7 petits points d'écart, toujours Bordeaux devant. C'est serré, hein. C'est très serré. Et là, pour le jam qui vient de se terminer, la jammeuse a bien entendu la consigne de son coach qui gueulait depuis le banc colle, colle, colle. Ah ouais, il faut vraiment écouter, parce que quand on est dans le temps, il y a 10 joueuses qui sont collées les unes aux autres, mais on ne comprend pas forcément, on ne voit pas forcément tout ce qui se passe, et donc il faut vraiment suivre le. Et ça passe sur le ou la coach, la jammeuse des Harpy Breakers. Sur le coach qui a une meilleure vue d'ensemble. Oui, puis parce qu'il y a tellement d'informations à prendre, enfin à avoir, à suivre et tout ça, que heureusement que le banc ça crie et tout ça. Est-ce que c'était pas la dernière fois justement la Harpy Breakers, on comprenait pas trop les décisions de la coach qui faisait beaucoup tourner. Ouais. Elle-même que ça la faisait perdre des points. Ouais, c'était des Harpy Breakers, je sais plus. Il me semble, je suis pas sûr, ouais. Mais il me semble, on trouve ça étrange. Mais il semble que c'était sur le match où justement à la fin elles ont pu remonter de 30 points en 2 jams. Ouais. Ça vous a fait une remontée spectaculaire à la fin. Il me semble que la coach faisait donnait des consignes étranges, mais bon, elle se connaît certainement mieux que nous. Oui. Et elle devait savoir ce qu'elle faisait. Au final, elles ont quand même gagné sur 2 derniers jams assez impressionnants. Oh ouais, assez impressionnant. C'était la folie, on peut le dire. C'était complètement fou. Bah nous, on voyait le match plié pour l'équipe adverse. Et là, 30 points d'écart à quoi 1 minute 30 de la fin. Ouais, voilà. C'était plié, non, finalement. Elles sont remontées, elles ont fait une égalité. Ouais. Et il y a eu une dernière jam pour les départager. C'était incroyable. Pour l'instant, on a une petite pause. Les arbitres qui discutent entre eux. 56 partout, Seb. Ah, égalité. Égalité, oh. 56 partout. C'est pas souvent qu'on voit ça. On est à la moitié de cette mi-temps. Il reste un peu moins de 15 minutes. 56 partout. Bah, c'est serré. Ouais. C'est serré. Très serré. Là, les arbitres sont au centre en train de discuter, savoir. Quelle couleur de M&M s'il préfère? Moi je préfère le jaune. Ouais, moi je préfère le rouge. Non, mais le marron il est vachement meilleur, quoi. Donc, faut que tu changes de voix si tu veux faire plusieurs personnages. Ah ouais, d'accord. Sinon ça marche pas. Ok. Moi je préfère le jaune. Ah, moi je préfère le rouge. Ah bah là c'est mieux, là je comprends qui est qui. Ah non, le marron il est meilleur. Ah, ça c'était. Je sais pas non plus. Je vais rien. 56 partout, il reste un peu moins de 15 minutes sur ce match. On rappelle qu'on est à Anglet, au gymnase de la Pineda. N'hésitez pas à venir. À venir avec nous, il y a du monde dans les gradins, il y a une bonne ambiance, il y a des bons talons, on a mangé des talons, ils sont très très bons. Puis alors, normalement comme chaque édition, hein, je crois qu'il y a des tombolas, des jeux. Exactement, il y a des tombolas, j'ai pu voir un petit peu en avant-première quelques lots et j'avoue que je vais peut-être m'acheter un ticket ou deux, moi. Ah ouais, j'ai vu les publications sur Insta, ouais, il y a des trucs sympas, quoi. Il y a des trucs vraiment cool. Ouais. Donc voilà, venez, il y a des jeux, il y aura même une DJ en fin de journée. Ouais, j'ai vu ça, ouais. On a une DJ en fin de journée. On va s'ambiancer en fin de journée. La bonne ambiance, tout ça. Donc, faut pas hésiter à venir à Anglet, gymnase de la Pineda. C'est toute la journée, c'est même tout le week-end, parce que demain, il y aura encore 4 autres matchs. Pour l'instant, on est sur les petites morts de Bordeaux qui sont secondes au classement. Deuxième, étant donné qu'il y a d'autres joueurs derrière, on ne dit pas second. Second, on le dit que quand il n'y a plus rien derrière. Il paraît. Bon, qui sont deuxième au classement, et donc Bordeaux est contre les Harpy Breakers de Pibrac qui sont premières au classement. Donc on est sur le match peut-être du championnat. Celui qui va peut-être tout changer. Mmh. Et c'est pas peut-être, c'est une règle de la langue française au fait, et pour ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit la Seconde Guerre mondiale et pas la Deuxième Guerre mondiale. Alors, apparemment, c'est pas vraiment une règle, c'est plus une habitude. Mais c'est pas, c'est inscrit nulle part que c'est comme ça. Ah, bah, moi, c'est, je l'avais trouvé comme ça. 56 voilà. Partout. Qu'est-ce qui se passe encore? Ils n'ont toujours pas décidé quel M&M c'était le meilleur. Bah non, tant qu'ils ne seront pas d'accord, prenez le bleu, les gars, mettez-vous d'accord. Le bleu, c'est hop, unanime. Bleu. Ça existe bleu? Ah oui. Tu veux que j'attrape la poche? Qu'est-ce qu'il y a? Marron, jaune, rouge, vert, bleu? Ouais. C'est ça? Ouais, et marron, ouais, c'est ça. Il y avait une époque, il y avait un jeu avec. Il fallait trouver une couleur. Il y avait le noir aussi, ça c'est pour le chocolat noir. Ah. Voilà. Violet, il n'y a pas violet? Non. Je sais pas. Ça c'est les Skittles, ça. Tu confonds avec les Skittles, ça. C'est, Skittles. Skittles, bah, putain, ouais, pardon. Mais bah, dis donc, Seb. Moi je suis fatigué, mais toi aussi, on dirait. Ah non, mais ça fait longtemps que j'avais pas pensé à ce truc, j'avais plus le nom, quoi. Bon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ça fait plus de 3 minutes qu'ils sont en discussion. Ouais. Je sais pas trop ce qui se passe. Un point de divergence. Bah, je crois qu'ils sont sur la divergence du M&M's violet. Ouais. Après, c'est ça. Voilà, on est sur un match important, hein, pour le championnat que pour les joueurs et les joueuses. Donc, l'arbitrage, ils ont un peu la pression, quoi. Ils ont pas intérêt de se louper. Bah, si ça peut jouer des playoffs pour aller. Pour remonter en National 1, ouais, c'est normal que ça chipote, quoi. Ouais. Sachant, voilà, je rappelle, mais chaque équipe rencontre toutes les autres équipes, mais une seule fois. Donc, une seule chance pour Bordeaux de battre Pibrac et peut-être de prendre sa place. Si je suis pas. Enfin, je sais pas, j'ai pas le classement sous les yeux. Il va falloir que je regarde ça. Ouais, apparemment. Alors, c'est reparti, c'est bientôt. Tout le monde s'est remis en place. Bientôt reparti. Non, toujours pas, on y va pas. Allez, on y va. On y va, c'est parti. 56 partout, on est à 15 minutes à la moitié de la première mi-temps. C'est les petites morts de Bordeaux qui prennent le lead, c'est Carapuche. Carapouche, certainement même. Carapouche. On dit push. Ouais, push. Poussé. Et Starpass pour ouais. Les Harpy Breakers. Ouais, c'est... Bon, quand c'est cette équipe des Harpy Breakers, il y a eu régulièrement des Starpass. Ouais, mais en fait, souvent la technique, c'est ça. Souvent la technique. Dès qu'on voit que l'autre a pris le lead, on fait un star pass, ça désoriente beaucoup les joueurs adverses, donc ça va beaucoup plus facile et on n'a rien à perdre. Parce que là, le star pass, en faisant un star pass, on perd le lead. Mais si l'autre a déjà pris le lead, on n'a plus rien à perdre. Ouais. Donc c'est une tactique qui arrive souvent. C'est Tarb qui utilise énormément cette tactique. En fait, Tarb, systématiquement, dès que l'autre a pris le lead, dès que l'autre équipe a pris le lead, systématiquement, elle fait un star pass. Ah d'accord, j'avais pas remarqué ça. Non, moi ce que je faisais remarquer, c'est que l'équipe de 5 qui vient de jouer là a fait quasiment à chaque fois un star pass depuis le début de cette partie. Ok. Alors que les autres non, pas forcément. Là par exemple avec Lucifer, c'est non non. Elle a l'étoile, elle la garde, mais elle passe tellement facilement que c'est pas étonnant. Elle nous a fait un truc magnifique. Lucifer donc qui a le lead et qui vient de sauter, mais elle a sauté en l'air pour redescendre sur son adversaire, elle a poussé comme ça. Voilà, c'est ça. En fait, elle a fait une espèce de push-pull avec un petit saut, histoire de les bousculer avec de l'élan. Et ça a marché. Et elle est à 8 points alors que Picasso est passé, il me semble, et qu'elle va marquer ses premiers points. C'est étonnant parce qu'à 8 points, la coach d'Arpi Bracos ne lui dit pas d'arrêter. Là, elle vient d'encaisser 4 points alors qu'elles auraient pu simplement arrêter. Elle lui dit de continuer de tourner. Mais elle prend le risque. Je suis étonné à chaque fois de ça. Ouais, elle lui dit. Et ben là, en plus, elle va en prison. Vraiment, c'est une stratégie assez étrange. C'est une stratégie un peu bourrine, je trouve. Non mais le coach, je le voyais qui faisait ça, continue à tourner. Ouais, alors qu'elle avait, eu point d'avance, elle avait eu point en face, il y avait zéro, elle aurait pu simplement arrêter le jam là. Au lieu de ça, elle prend le risque, souvent elle prend le risque et c'est pas... La dernière fois déjà... Là, 8-8. La dernière fois, elle prenait beaucoup de risques comme ça et c'était... au final, je pense pas que c'était très avantageux. Je pense que ça leur a plus fait du tort que... C'est ça, ouais, que donner avantage. Je comprends pas non plus la stratégie parce que là, 8-0, tu prends 8 points, tu donnes 0 à l'adversaire, nickel. Là, ça fait 8-8, donc du coup, aucun gain... Pour les Harpy Breakers, par contre, les petites morts. C'est ça, parce qu'elles repassent devant, elles prennent l'avantage. Parce qu'à ce niveau-là. Nous avons une blessée, il y a eu une chute. À ce niveau-là, faire des erreurs comme ça face à Bordeaux, elles vont en profiter. S'il y a un power jam, Bordeaux, elles encaissent des points. On est à 12 à 8, alors que ça aurait pu être 8 à 0. Voilà. Là, les petites morts ont gagné 4 points, alors qu'elles auraient pu en perdre 8. Quoi. Et pour une erreur de une erreur, j'en sais rien, peut-être que c'est pas une erreur, tout ça est réfléchi, mais pour un coaching un peu étrange. Ouais, alors peut-être qu'il comptait un peu trop sur sa jammeuse phare Lucifer qui score super bien, qui marche bien. Ouais, un excès de zèle peut-être. Ouais, peut-être. C'est vrai que il s'arrêtait à 8-0, c'était bien quoi. Je vais demander à la coach Malichou Pita. Là, on a vu que Lucifer avait 8 points d'avance, que l'autre allait arriver, et pourtant la coach lui dit de continuer à tourner. Est-ce que tu sais pourquoi ? C'est pour libérer la boxe. C'est parce pour. Il y a encore des joueuses en prison, et donc pour les faire sortir. Pour le temps de prison, et comme ça, elles peuvent revenir sur le track. D'accord. Donc en fait, c'est pour éviter de commencer le jam suivant avec des joueuses en prison. Elle préfère prendre le risque de faire ça. Bon. Ah, ben merci pour l'info. Merci Malichou Pita. Ça permet de comprendre la stratégie un peu mieux. Et du coup, ça a du sens. Ça a du sens, mais bon, tout ça pour finir avec avec une pivot en plus en prison, après avoir, et puis finir elle-même en prison. Finalement, parce qu'elle a fini, est-ce que du coup, elle a perdu le lead en allant en prison, la pivot est en prison, et au final, elles ont pris 12 points alors qu'elles auraient pu en gagner 8. Enfin, elles ont pris 4 points alors qu'elles ont pu en gagner 8. C'est ça. Est-ce que finalement je sais pas. Parce que voilà, pour l'avoir vu la dernière fois, c'était la même stratégie. Et c'était pas forcément gagnant, hein. Non, c'est clair. Bon, nous avons une joueuse qui était blessée, est-ce qu'elle était sortie ? Je crois pas. Non, elle. Il me semble qu'elle est repartie s'asseoir sur le banc. Ouais, elle est retournée sur le banc, ouais. Je vois les médics à côté de nous qui s'occupent de personne, donc j'imagine que c'est parce que. Ouais, on est à côté de l'infirmerie, on l'a pas vu arriver à l'infirmerie, donc elle est retournée sur le banc. Ouais. Tant mieux, faut faire attention à ça, on peut vite se faire mal en tombant quand même. Le sol n'est pas complètement dur, mais il n'est pas du tout mou non plus. Ça reste d'une espèce de plastique un peu mou qui accroche un peu, mais bon. Ouais, et puis bon, faut dire qu'elles ont un peu de vitesse quand même sur les patins. Ah ouais, ouais. Même si t'es une défenseuse, c'est pas celle qui roule le plus vite, mais quand même quoi. Mais non, mais elle se prête par contre, la jammeuse qui elle arrive vite. Donc oui, voilà. On peut très vite se faire mal. Alors, c'est passé pour les deux jammeuses, mais avec un temps de retard pour Petite Mort. Tassinator devant pour la plus braqueuse. Est-ce qu'elle aura le temps de marquer des points avant que Miss Elliott ? Hop là ! Non, Miss Elliott n'a pas eu le temps de marquer des points. Cela dit, la plus braqueuse non plus, je crois pas. Je vois l'arbitre des plus braqueuses. Il ne montre rien, donc. Et alors moi j'ai rien vu parce que j'ai pile un reflet sur la glace à ce niveau là et le poteau. Et oui, parce que c'est aussi un terrain de hockey sur patin, ouais. Donc il y a des protections pour nous, c'est-à-dire qu'on se prenne pas le comment on appelle ça, le palais. Oui, oui. Pas le palais dans la bouche. Ouais. Et parfois c'est vrai que c'est pas forcément toujours facile de tout voir quand on regarde du roller derby. Mais bon, on fait avec. RP Rockers, il y a marqué Mujet, c'est pas Mujet, hein, c'est Lucifer qui a pris le lead face à Crapouche a priori. Voilà, la fin de tour, elle essaie de marquer ses premiers points. Oh là là, elle esquive, Crapouche, elle passe pas. Hein, elle est Lucifer qui voit l'adversaire arriver pour lui mettre un point, hop, et qui fait la bonne esquive au bon moment. Ah, elle joue vraiment joliment, Lucifer. Mais ça passe pas pour Carapuche. Là, ça défend très très bien de la part des harpies braqueuses. Ouais. Et du coup. Carapuche qui se fait recycler. Ah, qui est fatigué. Hein. On sent qu'il est fatigué. 999 Carapuche. Ça tombe pour pas grand chose. Elle commence vraiment à fatiguer. Mais elle est pas sortie. Donc. Ah, ça y est. Elle avait passé le bloc. Et donc là, Lucifer aura le temps de. Mais je pense de marquer 4 points de plus avant de coller certainement. Ah, quoique la défense n'est pas dégueulasse du côté de Bordeaux. Ça y est, est-ce qu'elle colle ou elle colle. On voit au patinage de Carapuche qu'elle a laissé beaucoup d'énergie à essayer de passer ce bloc. Et elle avait l'air rôtie. 11 points pour les harpies braqueuses apparemment. 11 points seulement, je trouve ça bien. Je pensais qu'elle avait passé tout le monde à la fin. 11 points pour les harpies braqueuses, 0 pour les petites morts. Et tu vois, malgré ces 11 points, elles ont repris l'avantage. Ouais, elles ne sont pas au coup devant, 79 à 72. Ouais, 7 les, points, deux sont, les deux se tirent la bourre finalement. Une équipe passe devant l'autre assez vite. Bah, ça ressemble à un match auquel on pouvait s'attendre, parce que deux tops de ce championnat. Donc un match serré au niveau du score. 79 à 72 pour l'instant, c'est la plus braqueuse première du championnat. Qui sont devant, 72 pour les petites morts qui sont deuxième du championnat. Ça va continuer à se battre. Ça va continuer à se battre. Pour l'instant, c'est absolument pas gagné ni perdu pour l'équipe, pour une équipe ou pour l'autre. Il reste un peu moins de 10 minutes sur cette première mi-temps. Et donc après, on aura une deuxième mi-temps de 30 minutes. Et on rappelle que tout ça est découpé en jam de 2 minutes maximum. Je dis maximum parce que la jammeuse qui passe en premier a le pouvoir d'arrêter ce jam quand elle le veut. Généralement après avoir mis des points et juste avant que l'adversaire n'en mette. Tout à fait, mon cher Thierry. Et on peut aussi dire que vous pouvez suivre ce match en vidéo sur la chaîne YouTube des Valiant Beaches, à savoir Roller Derby Côte Basque. Ouh, voilà, vous avez une petite caméra qui traîne. Sacrée chute qui a permis un peu à Picasso des petites morts de Bordeaux de prendre le lead face aux Harpies Rakeuse. Est-ce qu'on a déjà en prison là? Personne en prison. Non, personne en prison. Dis donc, Picasso qui a l'air énervé, hein, qui est pas là pour déconner. Qui fracasse le mur adverse et qui met ses 4 premiers points. Et là, on a l'équipe de 5 des Harpies Rakeuse qui font souvent les star pass. Elle tente le star pass et c'est passé. On rappelle que le star pass, c'est le fait d'enlever pour la jammeuse, d'enlever son bonnet, de le passer à la pivot, celle qui a le trait sur le casque. Elle peut le passer en avant, par-dessus les autres joueuses, tant qu'elle ne le jette pas. Il faut vraiment que ce soit de la main à la main. Et donc c'est une très bonne technique pour désarçonner l'adversaire, pour passer parfois simplement, quand on a deux joueuses en face qui nous empêchent de passer, on prend le chapeau, on passe par-dessus ces joueuses avec le bras et on les passe comme ça. Par contre, si on avait le lead et qu'on fait ça, on perd le lead et on ne peut le faire qu'une seule fois par jam. Voilà. Bon, le jam précédent s'est clôturé par un call avec 8 points pour les petites morts à 0. Vraiment ce score, 80-79. Ouais. Vraiment, ce tir la bourre. C'est les petites morts pour l'instant qui ont pris le lead. Petite cartouche là dans la défense. Ah ouais. Derrière cet assassinateur pour les Harpies Rakeuse qui suivent. C'est l'assassinateur qui a mis ce petit bouchon. Elliott qui colle juste avant que l'assassinateur arrive. Est-ce qu'elle a eu le temps de mettre des points? Et est-ce qu'elle a eu le temps. Est-ce qu'elle a fait assez tôt pour que. 2-3. 3, je pense. 3 points pour les petites morts, 1 point pour les Harpies Rakeuse. 83-80, le match est très serré. C'est clair. C'est très cool à voir. Bon, on verra, c'est souvent la deuxième mi-temps que ça se joue parce que. Encore en train de se jauger. Et la fatigue, la pause de la mi-temps. Ça peut réveiller les équipes ou ça les endort complètement. Alors on va voir si ça va faire quelque chose. Lucifer qui passe aussi très très vite, qui prend le lead pour la Harpies Rakeuse. 80-83, je le rappelle. 80 pour la Harpies Rakeuse. De l'autre côté, ça bataille encore et c'est Hacker qui finit par passer. Mais Lucifer aura le temps, je pense, de mettre 4 points. Joli! En fait, elle a vraiment très bons appuis, même quand elle s'est poussée. L'autre. Elle s'est fait sortir apparemment. Elle s'est fait sortir. Ah ouais, je suis étonné, j'ai pas vu de faute non plus. Ouais. Elle avait l'air étonnée, mais. Ouais. Mais des appuis de fou, alors incroyable. Elle nous a fait ça sous le nez, donc on l'a vu. On pouvait pas mieux voir, quoi. Donc on a un power jam pour les petites morts. Hacker qui va essayer de creuser un peu l'écart, qui a 4 points pour l'instant. C'était Lucifer qui avait le lead, donc elle a perdu le lead. Et quand elle perd le lead, ce n'est pas l'autre équipe qui récupère le lead. Personne n'a le lead. On va donc aller jusqu'à 2 minutes. C'est extrêmement fatigant pour tout le monde de faire 2 minutes. On va voir si Bordeaux en profite pour pouvoir creuser suffisamment l'écart. La jammeuse a déjà l'air assez fatiguée, elle a mis 4 points quand même. Ouais, elle a 8 points, elle a l'air fatiguée, mais je veux dire, elle va pas. Elle n'essaye pas d'aller très très vite pour pouvoir marquer le plus de points possible, c'est ça que je veux dire. Elle a l'air fatiguée. Lucifer est rentré sur le terrain, les deux jammeuses sont de retour. Lucifer, elle passe comme dans du beurre. Ouais, c'est une facilité. Est-ce qu'elle passe? Oui, 4 points pour Lucifer. On est à 8 à 4 et il reste 37 secondes sur ce jam. Aïe! Aïe, Hacker, la jammeuse des petites morts qui est tombée sur le dos. Non, ça a l'air d'aller, elle se relève. Et ça passe. Malheureusement pour elle, Lucifer d'Harpies Rakeuse continue sa chevauchée et remonte 8 partout sur ce jam. On sent que Hacker est fatigué, que Lucifer a encore sous le capot. Donc, on va voir si une des deux équipes va pouvoir prendre l'avantage sur ce jam-là. Lucifer a l'air. Elle est survoltée, elle est en feu. Elle est à la fois bourrine, elle va tabasser, et à la fois très agile. Donc elle a vraiment ces deux avantages-là. 91-92. Oh, c'est là, pas la. 12 à 8 sur 12 partout. 12 partout sur ce jam. 95-92, c'est petite mort, toujours devant de 3 points. Lucifer, c'est pas la jammeuse préférée de notre ami Bichente? Exactement, il en a longuement parlé pendant le premier match. Et je sais qu'il est très déçu de ne pas pouvoir voir ce match. Et je sais qu'il sera très déçu surtout de ne pas pouvoir voir le match de la fin de la journée qui opposera les Harpies Rakeuse aux Valiant Beaches. Oh! Il est très déçu pour pouvoir voir ça. Ouais. Bordeaux qui est devant de 3 petits points, 95-92 face à Pibrac. Nouveau jam, il reste moins de 5 minutes sur cette première mi-temps. Moonjet pour la Pibraqueuse au jam, Carapouche. Je vais finir par essayer de arriver. Là, là, là. Et c'est Carapouche pour Bordeaux qui prend le lead. Yeah. Et ça tente un star pass du côté de Harpy Breakers. Et star pass réussi. Et ça y est, c'est passé aussi pour les Harpy Breakers. C'est T-Time qui récupère donc le chapeau étoilé. Mais les petites morts, après avoir mis 4 points, font un boom track. C'est-à-dire qu'elles arrêtent le jeu après avoir mis 4 points. Ouais, voilà. Elles ont raison de faire ça à 99 à 92. 4 points, 4 points petit à petit, c'est toujours bienvenu. Ouais, c'est assuré les points. Voilà, 6 petits points d'écart à 4 minutes de la première mi-temps. Bah, c'est important de finir devant à la mi-temps. Ah, bah, ça donne un petit avantage psychologique. Pour le moral, pour la psychologie. Mais voilà, mais peut-être que si Pibrac arrive seconde sur cette première mi-temps, peut-être que ça va un petit peu les booster aussi et se dire que c'est pas possible de faire ça et qu'elles sont premières du classement, qu'il faut qu'elles restent premières du classement. Ouais, peut-être ouais. Que ça va les motiver. Bon, allez, c'est reparti, Tassinator et Picasso. Faire. Picasso la même partie. Non, c'est Tassinator. C'est Tassinator qui prend le lead pour les Harpy Breakers. Picasso passe derrière à un peu moins d'un demi-track. Voilà, juste le temps pour Tassinator de tenter un boom track. Et non, elle se fait arrêter. Elle se fait arrêter. Où est-ce qu'elle est? Ouais, est-ce qu'elle ça est... colle. Elle colle fort. Hein. Ah ouais. Elle veut vraiment qu'on voit qu'elle a bien collé. Parce que c'est un geste. On va en gros désigner les hanches pour simplifier ça. Il faut vraiment être vu pour que l'arbitre agisse à temps, siffle à temps et pour que l'adversaire ne puisse pas marquer de points. Bah alors, ce qui avait drôle, c'est qu'elle tapait fort sur ses hanches pour qu'on la voie, mais elle était de dos aux arbitres. Oui, mais s'il est de dos, ils le savent. Ils commencent à s'habituer. 99, ouais, 2 petits points de plus pour l'Harpy Breakers. 99 à 94, on a 5 points d'écart. 5 points d'écart, c'est rien du tout. Allez, on va voir ce que ça a donné. Un nouveau jam, Istilia du côté des petites morts, Lucifer. Du côté d'Harpy Breakers, c'est Misty Elliott qui prend le lead. Lucifer qui est derrière, qui est vraiment pas loin. Misty Elliott, elle aura le temps de faire un boom track peut-être. Ouais. Peut-être si elle y arrive, si elle n'est pas trop bloquée. Moi, je vois plus rien là. Elle rentre dedans. Elle colle. Je suis pas sûr qu'elle ait mis un point honnêtement. Deux points pour Petite Mort. Oui. 2 points pour Petite Mort. Voilà, c'est bien joué. Tout ça, c'est la technique la plus simple quand on voit que l'adversaire est derrière, pas loin. On rentre dans le tas sans réfléchir, on colle sans réfléchir. Puis voilà. Ah ben, moi j'ai rien pu voir. J'ai un mur de gens qui me cachent la vue. Ah ben, faut dire ça. 101 à 94, les petites morts de Bordeaux sont toujours devant à moins de 2 minutes de la fin. Voilà, on va arriver sur les derniers jams de la première mi-temps. Qui est-ce qui prend le lead? Allez, c'est l'Harpy Breakers qui prend le lead. Ouais. Non, elle va en prison. Elle a certes cru prendre le lead, mais en fait non. Donc on est parti sur un jump jusqu'au bout du temps. Non, je suis pas sûr parce que si considère qu'elle a fait la faute avant d'aller en prison, ouais. Et ben alors elle n'avait pas le lead à ce moment-là. Non, apparemment le lead est donné à Bordeaux. Donc c'est bien Bordeaux qui a pris le lead et qui est en power jam. Donc la jameuse adverse est en prison. Donc la jameuse des petites morts à l'appui total de son équipe pour l'aider à passer 4 et points. 4 points. Ça fatigue aussi. Ouais. On sent que. Voilà, généralement, quand on a Power Jam, on va essayer d'aller le plus vite possible pour essayer d'engranger plus de points. Là, on sent qu'elle commence à fatiguer à la fin de cette première mi-temps et que ça devient un peu plus compliqué de faire le tour du track le plus vite possible. Et la jameuse d'Harpy Breakers revient. La défense de Bordeaux n'était pas complètement prête. Heureusement, il y a une des. Et ça repasse pour Carapuche, qui l'a vu venir. Alors, Bordeaux qui est devant, Carapuche qui. Qu'est-ce qui se passe? Carapuche qui est très très lente sur ce. À faire son tour, je trouve ça étonnant. 109 à 94, 8 points pour l'instant sur ce jam pour Bordeaux. 8 points ou 12 points, est-ce qu'elle vient de marquer 4 points de plus? Elle vient de marquer 4 points de plus, 12 points pour Bordeaux, 0 pour l'Air Puracus. Mais c'est un power jam là, je comprends plus rien. On en est... C'était un power jam, en tout cas. Là, ce n'est plus un power jam, c'était un power jam, mais c'est vrai que c'est extrêmement étrange. Ah, si, pardon, elle était sur la mauvaise chaise, donc c'est bien un power jam. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'elle prenait son temps. James Adverse était en prison, donc c'est quand même double power jam. Du coup, ça fait deux fois qu'elle va en prison, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est fait recycler Carapuce. Recycler. Je pense qu'avant de coller, là, d'arrêter. Parce que la James Adverse est revenue sur le terrain, James de Pirac. Et c'est fini. Allez. Et on finit cette mi-temps avec 113 pour les petites morts et 94 pour les Harpy Breakers. Un jam à 12 points pour les petites morts qui creusent ce petit écart pour finir en tête à la mi-temps. Mais c'est tant mieux pour elle, parce que vraiment les deux équipes se sont vraiment tirées la bourre, l'une passée devant l'autre presque à chaque jam. On finit avec une légère avance, légère 22 points quand même, c'est pas trop dégueulasse pour les petites morts grâce aux deux power jam qu'il y a eu en leur faveur sur Drainy Jam. Et donc voilà, 116 à 94. Ouais, le score a l'air confirmé. Allez, nous on va se retrouver dans 10 petites minutes. 10 ? 10 petites minutes, oui. C'est tout ? Seb ? Oui ? Ton avis, tu donnes Bordeaux gagnant déjà ou pas encore ? Non, là, je suis incapable de te dire. Je pense que ça va être un match serré jusqu'au bout. Et comme je t'ai dit, on va voir la pause et la demi-temps ce que ça va donner. Mais je pense que ça va être serré jusqu'au bout. C'est vrai que là, la pause, c'est pas le moment de se relâcher pour Bordeaux. Surtout pas, c'est souvent ce qui arrive pour des équipes, pour certaines équipes, la mi-temps peut faire très mal. Mais bon, là c'est quand même deux équipes assez expérimentées. Donc avec encore une possibilité que les deux se motivent, c'est quand même, je pense, le match le plus difficile pour les deux équipes. Donc je pense qu'elles arrivent là avec beaucoup de préparation et beaucoup d'envie. Oui, puis il y a de l'enjeu aussi pour passer en national et tout ça. Donc je pense que ça va être ça jusqu'au bout. On verra bien tout à l'heure. 116 pour les petites morts de Bordeaux, 94 pour l'Harpy Braqueuse de Pibrac. On se retrouve dans 10 minutes. À tout à l'heure. À toutes. La musique à travers nos cultures. Oh là là là là là là là là là là là là là là là là, c'est reparti, Sébastien. C'est quoi ce craquage? Je sais pas, je suis fatigué déjà. Il reste déjà. Tu sais qu'il nous reste 3 matchs encore. Je sais, oui, aujourd'hui 3 matchs. 4 demain. Qu'est-ce que j'allais dire, 20 secondes avant le début de cette deuxième mi-temps de ce deuxième match. Je rappelle qu'on a les petites morts de Bordeaux à 116 points contre l'Harpy Braqueuse à 94 points. Ça fait quand même 10, 22 points 9, d'écart. Je me demande si c'est pas 8, le plus gros écart qu'on ait 7, eu 6, qu'on ait eu sur, 7, sur ce match. De merde, je suis à la bourre. ouais, c'est ça. C'est le plus gros écart qu'on a eu pour l'instant sur la première mi-temps. 22 points, parce que vraiment, je rappelle que Pibrac, c'est l'équipe qui est classée numéro 1 dans le championnat, et Bordeaux, le petit mort, qui est classé numéro 2. Donc, autant vous dire que le match risque d'être vraiment serré. En tout cas, il est déjà bien combattu. Et à chaque jam, l'équipe qui est derrière est passée devant. Il est bien combattu, ouais. 116 à 94, 30 minutes restant sur le compteur. C'est parti. Est-ce que c'est parti ? C'est parti. C'est parti. C'est bon, je peux couper la musique. Voilà. Allez, c'est parti. On va voir si cette mi-temps fait du bien ou du moins bien à chacune des deux équipes. Il faut que Bordeaux essaye de garder cet écart-là de 20 points. Et Pibrac, il va falloir qu'ils se réveillent et qu'ils enclenchent un petit peu la seconde. Et ça passe pour Pibrac. Pibrac et Tassinator juste devant Picasso. Qu'est-ce que va faire ? Ils sont collés. Qu'est-ce que va faire Tassinator ? Elle regarde sa coach. Derrière l'autre. Regarde sa coach et elle ne colle pas. Elle est en train de se faire doubler. Ouh là, boum, ça passe. Regarde sa coach et colle pas. Ah, ça passe, bien joué. Elles ont confiance ouais. L'équipe. Bon, il y a effectivement T-Time qui est en prison. Encore une fois, c'est peut-être pour ça, pour essayer de sortir de prison pour ne pas recommencer encore un autre jam à 4 contre 5. Non mais belle défense quand même de Pibrac, elles sont que 3 au lieu de 4, elles ont réussi à bloquer la jammeuse des petites morts. Ouais, et 8-0 pour l'instant, hein, Tassinator. Et Tassinator est... refait un passage, elle prend 8 points, donc franchement, beau travail des bloqueuses, seulement à 3. Ça y est, la quatrième bloqueuse de Pibrac revient sur le track. Des chutes. Et ça y est, c'est passé aussi. On est à quoi, 8-4, si je dis pas de conneries. Ouais, 8-4. C'est ça, 8-4. Et le jam, collé, voilà. Elle arrête le jam. 10-4 pour les Harpy Breakers. Donc on revient à 120 pour les petites morts et 104 pour Pibrac. Les Harpy Breakers de Pibrac face aux petites morts de Bordeaux. Bordeaux toujours devant, 116 points. L'écart a quand même été un petit peu réduit. Encore 2-3 jams comme ça. Et Pibrac passe devant, hein. Ouais, clairement. J'étais en train de faire le point là sur le score. Allez, Lucifer, c'est reparti et Mistiliot. Pour ce nouveau jam. Alors. Et Lucifer qui passe à l'intérieur avec le petit saut de biche dans le demi-cercle là. Joli. Derrière Mysterio se fait recycler. Ouais, c'est du combat, c'est physique, mais ça ne passe pas. Lucifer tente ses 4 premiers points, se fait recycler aussi. Voilà. Pour l'instant, Lucifer a quand même l'avantage. Mysterio qui passe toujours pas. Hein. Lucifer qui passe, qui fait des petites feintes. Ouais. Des droites gauches là. Des tic-tac. Lucifer qui s'est fait bloquer par ses propres keepers, j'ai l'impression. Involontairement, évidemment, mais ça a laissé le temps à Bordeaux de revenir. Voilà. 8 points, je crois. 8 points pour Pibra quand ça y est, c'est passé pour Misty Elliott. Misty Elliott qui met 4 points. Ah non, qui vient de passer premier passage. Ouais, premier passage. Donc ça fait 4-0 pour l'instant. 4-0 pour l'instant. Ouais, Cole, c'est bon. Elle a passé. Belle, elle a passé. On entendait le coach. Ce coach de Pibra que je ne l'avais pas vu la dernière fois. Non, l'autre fois, c'était la coach justement dont on se posait des questions sur le. Ouais. Mais d'ailleurs, je crois qu'il y a toujours la coach la dernière fois, mais qui est en plus un nouveau coach que je n'avais pas vu la dernière fois en tout cas. Et qui lui dit, qui criait à Lucifer de faire appel, de coller, d'arrêter le jam. Ouais, parce que c'est effectivement ce qu'il fallait faire. Hein. 6-0, l'écart se réduit à 10 points. Petit à petit. 110-120. Allez, c'est Bordeaux qui prend le lead, mais Tassinator est vraiment sur les talons de la James de Bordeaux. Est-ce qu'elle va tenter? Elle regarde derrière elle. La coach ne dit rien. Elle tente. Elle colle. Ouais. Ça colle. Un point peut-être. Honnêtement, je suis pas sûr. Un point. Ouh, elle a réussi à mettre 2 points. Point pour Bordeaux qui avait le lead. 2 points pour Pibra. Je suis étonné quand même parce que vraiment, elle n'a pas mis longtemps à faire appel. Oui, mais elle arrivait vite. Hein, la jameuse de Pibrac. Le temps qu'elle colle, elle a passé 2 joueurs. Ouais. 121 à 112, ça fait 9 petits points d'écart. Alors, petit à petit, Pibrac rattrape un petit peu. Ouais, 9 points d'écart. Ça passe pour. C'était 22 au début de la mi-temps, je rappelle. Et c'est Picasso pour les petites Mauries qui passe. Moonjet de son côté, qui est jameuse pour Pibrac, ne passe pas. Elle va tenter un star pass, elle vient d'enlever son bonnet. Et Picasso qui essaye de mettre ses 4 premiers points. Et qui galère, ah ouais, une très grosse défense de Pibrac, quoi, mais elle passe. Elle passe, elle attend un peu de voir. Parce que du côté de Pibrac, c'est toujours pas passé pour la première fois. Donc elle a encore. Ah non, mais c'est la fameuse équipe spécialisée Star Pass. Voilà, il y a un Star Pass. Qu'est-ce qu'elle va faire? Je pense qu'elle va tenter un passage vite fait. Mais il y a une prison aussi en même temps pour Pibrac. Elle tente et est-ce qu'elle colle? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne colle pas. Elle continue à tourner, la coach. La coach lui continue. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est de l'autre côté, c'est... non, mais c'est la jameuse, qui est partie en prison. Ouais, voilà. En prison, mais il y a eu le star pass qui a été fait. Il y a eu le star pass, mais ça compte. Mais c'est quand même la jameuse qui est en prison. Donc il n'y a plus de jameuse pour. Non, le star pass n'a pas été validé apparemment. Donc c'est pour ça qu'il disait de continuer et que finalement la pivot qui avait récupéré l'étoile finalement n'est plus validée comme étant jameuse. Ouais, parce que c'est bien ça, elle a son bonnet dans la main. Donc on va jusqu'au bout. Ouais, c'est le retour de la jameuse. Est-ce que ça veut dire que la jameuse de Pibrac n'a toujours pas fait son premier passage? Non, toujours pas, parce que le star pass était passé mais annulé. Ouais. Ça y est, là il est passé le star pass, donc le premier tour est fait. Mmh. Voilà. Et donc on est à 16 points, hein, côté des petites morts, 0 pour Pibrac. Ça c'est un. Et ça colle. Voilà, alors que Pibrac a réussi à mettre 3 points quand même. Ils ont mis 3 points quand même. Donc le premier passage était déjà fait. Ah, il s'est fait juste là. Avant qu'elles reviennent recoller au bloc. 18-3, les petites morts qui reprennent leur avance qu'elles avaient perdu petit à petit. Ouais, mais là, quoi, voilà. Entre 3 ou 4 jams de travail de Pibrac qui sont tombés à l'eau en un seul. C'est dommage pour Pibrac qui va peut-être avoir du mal finalement sur cette deuxième mi-temps. Ça fait 7 minutes déjà que ça a commencé. 139-115, les petites morts continuent sur leur lancée. Alors, c'est. Elle joue bien, c'est les petites morts aussi. Ouais, là, ça défend bien de partout. Peut-être que ça passe pas des deux côtés. Ouais, même pour Lucifer qui a l'habitude de passer comme une lettre à la poste, là, non? Ouais. Peut-être que Pibrac n'a pas le niveau qu'on a déjà vu. Ah non, là, Lucifer ne passe pas. C'est. Et on m'a dit pendant la mi-temps qu'il y a aussi des petits problèmes de motivation du côté de Pirac, enfin que qu'apparemment Lucifer par exemple là, s'énerve rapidement quand elle ne passe pas. Ah. Et s'énerver, c'est rarement une bonne idée dans un jeu stratégique comme celui-là. Ça y est, elle est passée. Elle est passée. Là, il y a ce que je sais plus le nom de cette technique, mais les bloqueuses reculent rapidement pour empêcher la jammeuse adverse de les rattraper. Ouais, 4 points école. J'ai oublié le nom de cette technique, mais c'est toujours assez rigolo de voir toutes ces espèces de masses aller aussi vite ensemble que comme un banc de poissons un peu rapide. Ouais, ça fait comme ça, là, un banc de poissons. Ouais. Belle image. 139 à 119, 20 points d'écart, les petites morts toujours devant. Écoute, si elles maintiennent les deux équipes ce niveau de jeu, Bordeaux va finir par gagner, hein, parce qu'elles ne prennent pas beaucoup de points, mais elles ne perdent pas beaucoup de points non plus. J'ai l'impression que Pibrac a un peu plus de mal, même que ceux après la mi-temps, je veux dire. C'est vrai, ils ont mis que 4 points sur ce jam-là. Ça y est, c'est Tassinator pour la dernière Pirakos qui prend le lead, mais derrière, elle est collée littéralement par Carapuche. Il y a un mètre d'écart entre les deux. Tassinator accélère, quoi. Elle espère pouvoir marquer des points. C'est quoi ce... Je pense, ouais, au moins passer. Les deux passent. Les deux passent, 4 points pour les deux. Donc 4 points pour les deux. Ah oui, mais elle attendait. Mais non, même pas, c'est pas une... C'était une bloqueuse adverse. Donc les bloqueuses tournent encore comme exactement comme sur le jump précédent. Elles tournent encore. Non, ça passe pas. Tassinator, est-ce qu'elle ça passe? Ça passe pour Tassinator, ouais. Mais Carapuche se fait recycler. C'est recyclé. 8 à 4, c'est Tassinator qui a lui, je rappelle. Ah, Carapuche qui va en prison. Et on passe sur un power jam, voilà, peut-être. Carapuche, non, elle est pas en prison, elle vient de passer le bloc. C'est pas Carapuche. Ah, c'est le bloc. J'étais persuadé que c'était Carapuche, pardon. Non, elle vient de passer le bloc. Ça fait 8 partout. Ouais, 8 partout. Toujours 20 points d'écart entre les deux équipes. 12 pour Pibrac maintenant. Et elle colle. Elle a mis un temps fou à coller. Elle aurait pu coller avant. Le tour d'avant. Mais peut-être que se disait qu'elle allait marquer encore des points. Elle attendait la consigne du coach, hein, sur le banc, qui lui disait de tourner encore. Ouais, ouais. 10 points pour les petites morts, 12 pour les RP braqueuses. C'est moins que ce que j'aurais pu avoir les RP braqueuses. Voilà, elles réduisent l'écart de 2 petits points. C'est pas grand chose. On revient quoi, c'est 18 points. On revient à 18 points d'écart. Ouais, alors qu'elles auraient pu réduire de 4 points. Bon, tu me diras, c'est 2 points, c'est peut-être pas énorme, mais ça peut faire la différence Mais là, vu le jeu actuel, Bordeaux joue assez bien. Bordeaux maintient son avance, donc voilà. Et ça passe pour Lucifer qui passe. Moins rapidement que sa première mi-temps, tu remarqueras. Lucifer passe vite, elle sort rapidement du pack, mais moins rapidement qu'en première mi-temps. Bordeaux a aussi revu sa défense, je pense, pendant la mi-temps. Bah, on dit ça, mais finalement, là, elles ont fait un gros loupé. Elles ne regardaient pas et Lucifer a réussi à passer un peu trop facilement. Avec une tentative quand même de croche-patte, de jambes tendues pour lui couper la route. Ouais. 4-0 pour la Pirakos. Picasso essaie de marquer ses premiers points, je crois. Oh, très joli. Joli petit saut de biche avec atterrissage retourné, freinage, je repars. Voilà, ça à l'intérieur du track. On rappelle que si elle ne touche pas l'extérieur du track, ça y est, ça passe enfin pour la jammeuse de Bordeaux. Si elle ne touche pas l'intérieur du track ou l'extérieur du track avec ses patins, elle peut continuer pas sans problème. Donc elle peut sauter par-dessus l'intérieur. Elle nous fait des démonstrations de patinage artistique, limite. Hein, petit saut de biche, triple axel. C'est impressionnant. 12 points pour la Pirakos, 4 pour les petites morts. Voilà, elles réduisent l'écart 153 à 143. 10 petits points d'écart. Allez, un jam moyen et le match bascule. Hein. Il reste un peu moins de 20 minutes. Après, est-ce qu'elles ont eu un peu de mal peut-être à rentrer dans ce second mi-temps après la pause? J'ai l'impression. Il y a une joueuse de Bordeaux en prison, une bloqueuse. Le temps de rechauffer la bête après s'être reposée. Avoir bu une petite pente. Ouh, ça, je suis pas sûr, ça. Tassinator qui prend le lead pour l'air vibraqueuse en espérant réduire cet écart pour elle. Misty Elliott qui est rapidement sorti aussi. Allez, peut-être qu'elle va essayer simplement un power. Un boom track. Non, elle se fait recycler. Elle se fait recycler et elle colle dans la foulée. Alors attends, non, elle colle, mais ça continue à jouer. Parce qu'elle est en prison. Donc elle a fait une faute et elle a collé, mais comme elle a collé après avoir fait la faute, colle ne compte pas, elle va en prison et donc plus de lead. J'ai pas vu la faute. Et puis je connais pas toutes les fautes, alors des fois je les rate. Il y a beaucoup de fautes et puis il y a beaucoup de joueuses en même temps, regardez partout en même temps. C'est pour ça qu'il y a autant d'arbitres d'ailleurs sur le terrain. 157, 143, 4 points pour l'instant sur ce jam pour les petites morts alors qu'elles sont en power jam. Qu'est-ce qui se passe? Les bloqueuses de Bordeaux sont complètement, comment dire, elles sont pas du tout groupées quoi. Non, elles sont à l'arrière, elles sont en train de s'occuper de la jameuse de Pibrac. Non, la jameuse était en prison. Non. La jameuse était en prison, donc elle s'occupait d'une bloqueuse. Ouais. Ah, mais c'est pour ralentir en fait, pour la faire venir de plus loin. Ouais, mais du coup, elle n'aidait pas leur jameuse à passer. Et ça, ouais. Elle a dû, et du coup, elle a mis un peu de temps à passer. Ouais. Allez, 12-0, c'est les petites morts devant sur ce jam pour l'instant. Aucune des équipes n'a le lead, il reste 27 secondes sur le jam. 12 points d'avance sur le jam pour Bordeaux. Est-ce que les harpies braqueuses... Non, ça passe pas. 16 points, ça y est, ça passe pour les harpies braqueuses qui mettent 4 points. 16 à 4, voilà, la personne ne peut arrêter le jam, donc elle continue à tourner, 10 secondes encore. Allez, peut-être 4 points de plus pour Mistiliot. Je suis pas sûr que la jameuse d'Harpy Brakeuse ait le temps d'en mettre. Oui, bah Ça passe pour la petite mort. Mistiliot qui met 4 points de plus. Ouais. Assez facilement parce qu'on sent que c'était fatigué en face aussi. Presque nonchalant la façon dont elle est passée. Non, mais même elle aussi, elle avait la routine. 20 points demi sur ce jam, voilà. Un joli jam. Et 7 points. Et 7 points pour l'Harpy Brakeuse. Bah, 13 points de plus. Elle creuse l'écart. 173 à 150. 23 points d'écart. Ouais. Attention Pibrac, là elle file le mauvais coton à Pibrac. Ils vont peut-être se faire détrôner. Je vais vérifier ça, voir combien d'écart il y a entre les deux équipes. Et c'est reparti pour un nouveau jam. Voilà, donc on a changé les joueuses. Il y a 5 joueuses fraîches pour chaque équipe sont rentrées sur le track. Et là nous avons comme jameuse Hacker pour les petites morts et Lucifer pour les harpies braqueuses. Et ça passe pour Lucifer des Harpies Braqueuses qui a dû un peu ferrailler et batailler pour arriver à passer la défense de Bordeaux. Ça a l'air compliqué là pour la jameuse de Bordeaux de passer. Et ça passe pour Lucifer qui marque les 4 premiers points de ce jam. Alors là, Hacker, elle est complètement coincée dans le pack, dans la défense de Pibra qui fait un très très beau travail. Et Lucifer revient. Eh non, c'est pas passé cette fois, ces techniques de tic-tac là, un coup à droite, un coup à gauche. Et oh, bah ça passe aussi. À peine relevé, à peine reparti, et elle repasse le bloc. Donc elle met 8 points, 12 points même, normalement, si j'ai combien. Peut-être 8, oui. Et mais dis donc, Seb, depuis le début, je te raconte n'importe quoi. Ah ouais, tu racontes n'importe quoi. Les petites morts de Bordeaux sont premières du championnat et puis ils sont secondes du championnat. J'ai inversé le truc. J'étais persuadé que Pibrac était première parce qu'elle descend. Il me semble qu'elle descend de N1. C'est pour ça que j'étais persuadé peut-être que était devant. Alors Lucifer, la jameuse de Pibrac, vient de se faire emprisonner. Elle est sortie en prison. Elle a fait une faute, j'ai pas su voir laquelle. Et on est parce que ça va tellement vite, il y a tellement de monde que pour arriver à voir les fautes. Alors déjà, je les connais pas toutes. Par contre, on est voilà, Bordeaux qui est devant, 5 matchs gagnés, 5 perdus, 5 matchs gagnés pour Bordeaux, 4 matchs gagnés pour Pibrac. Non, pardon, elles sont en égalité, elles ont 4 matchs, elles ont gagné tous leurs matchs pour l'instant, mais Bordeaux a fait un match de plus, donc elles sont à 5. D'accord, puis il y a le goal average aussi. Et le goal average, plus 484 pour Bordeaux, plus 486 pour Pibrac. Autant te dire que là, vraiment son coude à coude, même dans le classement. Quoi. Ouais, d'accord, ok. Même dans le goal average et tout. D'accord. Ouais, donc là. Alors, Lucifer est de retour et nous refait des démonstrations de patinage artistique pour passer à la défense. Donc bon, là, si je dis pas de bêtises fini. Et qu'elle continue à jouer aussi bien sur les autres matchs, ben en fait, l'équipe gagnante de ce match-là va certainement être la gagnante du championnat. Ouais. Voilà, c'est comme ça que j'ai compris le truc. Alors, 12 points pris sur ce jump par. Pour l'instant, les deux équipes ont gagné tous les matchs. Elles sont à 2 points d'écart sur le goal average. Voilà. Donc, déjà, il faut un goal average qui soit, comment dire, bénéficiaire pour pour faire la différence, vu qu'elles sont à 2 points d'écart. Là. Et ça se joue sur ce match, en fait, pour le championnat. Pour ces deux équipes, pour l'instant, elles ont tout gagné. Donc, Pibrac a remis 12 points sur ce jam à 0, remonte à 162. Ah non, 3 points. 3 points pour les petites morts de Bordeaux, 176 pour Bordeaux, 160. Ah, ils n'avaient pas mis à jour le score. Oh là, attendez, 19-20. Oula, ils nous mettent. Non, 19 à 3. Qu'est-ce qui se passe? Je vois un arbitre s'approcher du banc. On va attendre qu'ils se mettent d'accord. Des arbitres du tableau. Ouais. C'est le M&M's bleu, c'est le meilleur. Voilà. Je dis ça, en fait, je viens de m'en rendre compte, c'est parce que j'ai la bonnette bleue sur le micro, j'ai du bleu sur le... Est-ce que tu serais pas un petit peu influençable, Sébastien? Mais non, mais je l'ai sous le nez depuis tout à l'heure, donc du coup, j'ai de la couleur, tu penses auquel en premier? Oui, tu es influençable. T'aurais dit rouge, toi aussi. C'est ce que j'ai. Moi, j'aurais dit fuchsia. Ou pamplemousse. Non, tu nous as sorti violet tout à l'heure. Il y en a pas de M&S violet. Oui, donc, il me semblait. Je sais pas pourquoi. Je le vois dans ma tête. J'ai beaucoup d'imagination. Peut-être qu'il y a eu une série à un moment donné pour, je sais pas, une occasion spéciale ou quoi. Mais... Peut-être, ouais. Donc voilà. Donc bon, on est toujours. Bon, du coup, 19 à 3. On est plus ou moins OK sur ça. On est d'accord. Ça a l'air d'être bon. Ce qui fait 7 petits points d'écart. Hein, petite mort devant avec 176 points. Les petites morts de Bordeaux. Les Harpies Braqueuses de Pibrac à 169 points. 7 petits points d'écart. On est à la moitié de cette deuxième mi-temps. Il reste un peu moins de. À peine moins de 15 minutes. C'est pas encore gagné, ni pour l'une ni pour l'autre. Non. Je crois que ça, jusqu'au bout, rien ne sera gagné. De toute façon, là, c'est l'équipe qui gagne risque de gagner le championnat. Juste sur ce match-là. Si évidemment continuent à gagner tous leurs matchs à côté, ce qui pour l'instant est quand même bien parti, puisque aucune des équipes n'a perdu un seul match pour l'instant. 5 pour Bordeaux, 4 pour Pibrac. Pibrac qui va jouer contre les Valen Beaches d'ailleurs ce soir. Et un autre match demain, mais je ne me souviens plus contre qui. Allez, c'est reparti pour un nouveau jam. Sa bataille, et c'est les petites morts. Et Carapuche qui passe pour Bordeaux. Est-ce que tu entends un petit peu les gradins? Il me semble qu'il y a du monde quand même dans les gradins. Les supporters et supportrices sont venus supporter leurs équipes. Oui, j'entends. Et puis en plus, on a une commentatrice pour les gradins. Oui. Et donc, qui les... Comment dire? Qui anime. Qui anime, qui les met en condition. Oui. Voilà. Allez, 4 points pour les petites morts. Elle fait appel, elle colle, elle arrête le jam. Est-ce que... Voilà, les Harpies Braqueuses n'ont pas eu le temps de mettre 2 points, donc 4 points de plus pour les petites morts. Honnêtement, je sais pas. Hein. Je pense qu'à la fin, est-ce qu'on va pas nous faire une fin un petit peu grandiose Un peu comme il y a un mois et demi, hein, où rien n'était joué et puis pas là. Parce que là, c'est pas loin, on a 11 petits points d'écart. En 3 tours, c'est dépassé. Il reste 13 minutes 22 sur le temps. Ouais, là ça a commencé à tirer un peu. Ouais, mais c'est là que ça va se jouer, ça va être le mental en fait. Ouais. Pour voir qui va prendre le pas sur la fatigue ou quoi, qui c'est qui va arriver à aller chercher les dernières ressources pour gagner. Ouais, les Harpies Braqueuses prennent le lead dans ce nouveau jam. Picasso et Rampalon derrière, elle aura le temps. Tessinator d'essayer de marquer quelques points avant de faire appel. Elle ne fait pas appel. Non. Si elle a fait appel, qu'est-ce qui s'est passé? Non, elle s'est fait recycler. Elle s'est fait recycler. Elle s'est fait recycler. Elle n'a pas fait appel. Et ça passe pour Picasso. Picasso qui marque 4 points. 4 premiers points. Voilà. Aïe, aïe, aïe. C'est dommage pour l'Harpie Braqueuse. On a vu T-Time passer devant nous. Elle s'est fait recycler encore. On a vu T-Time passer devant nous qui va en prison et qui soufflait de fatigue et de. Ah, ouais, ça y est, elle a fini par coller parce qu'elle allait prendre. 4 points de plus. Non, mais 2 finalement. 2 et 1. Donc normalement, ça fait. 5 à 2 a priori, mais voilà, les Harpies Braqueuses ont perdu 2 joueuses qui sont en prison. Aïe. C'est marrant parce que leur technique de continuer à rouler pour justement faire sortir les joueuses de prison, ça marcherait. Ça va pas marcher. Ben non, c'est peut-être parce qu'il y a un peu trop de joueuses qui vont en prison aussi. Du coup, c'est un jam qui va commencer à 2 joueuses sur le track pour les Harpies Braqueuses seulement. 2 joueuses. 3 joueuses. Mais je voulais dire 2 à la défense, quoi. Ouais, 2 bloqueuses, ouais. 2 bloqueuses. Et donc ça permet à Mistiliot de prendre le lead assez rapidement pour Bordeaux. Et Lucifer qui vient de passer derrière, aussi. Qui a un demi-track derrière. Alors, j'imagine qu'elle va tenter un boom track, c'est-à-dire marquer 4 points et coller. J'entendais qu'on lui criait de faire appel. Parce que voilà, il n'y avait que 2 joueuses, que 2 bloqueuses sur le track, que 2 bloqueuses de Pibrac. Mais à partir du moment où il y en a en prison, dès qu'elle passe la première des joueuses, elle engrange aussi les points des joueuses qui sont en prison. Ouais. Donc dans ce cas-là, dès qu'elle avait passé une joueuse, elle gagnait 3 points. Celle qu'elle vient de passer, plus les 2 qui sont en prison. Voilà. En plus, elle colle. Et donc, elles vont commencer, encore une fois, parce que ça a duré moins de 30 secondes, avec un avantage, puisqu'il y a encore les deux bloqueuses de Pibrac qui sont en prison. Bon, pas pour longtemps, hein. Vraiment pas pour 30 ans, mais peut-être juste assez pour prendre le lead. Ouais, pour démarrer le job, aller en infériorité. Ouais. Donc c'était vraiment exactement le moment opportun pour arrêter ce jam. Mmh. C'est bien joué de la part de Bordeaux, qui gagne 4 points et qui commence à 5 contre 3. Et qui ont l'avantage, rappel, à 189 à 161, ça fait 18 points d'écart. Tout à fait, mon cher Thierry. C'est ça, 18 points d'écart. Il reste 11 minutes et 13 secondes. Alors là, on a une pause KitKat. Je crois que c'est... Team timeout, ça veut dire que c'est une équipe qui a demandé une pause. Et apparemment c'est Purak qui a demandé une pause, effectivement. Ouais. C'était le moment de recadrer les joueuses et de voir qu'est-ce qui peut être amélioré. Donc, et sachant que pour les équipes, le temps donné est de seulement une minute. Voilà, les arbitres, comme on l'a vu tout à l'heure, peuvent prendre tout leur temps. Alors c'est monté jusqu'à 3 minutes, je crois. Ça y est, 3 minutes. La minute est terminée. Voilà, la minute est terminée. Donc les joueuses des deux équipes vont revenir sur le terrain, sur le track, pour dire les mots qui sont bien, et se remettre en place. Et je rappelle donc qu'il y a deux bloqueuses de Purak qui sont en prison, mais qui vont sortir aussitôt le jam. Ouais. Siffler, enfin le début du jump siffler. Ouais, on va petit time qui va, elle part comme sur une course, comme sur un 100 mètres. Ouais. Plie les genoux et elle est partie pour partir quoi. Ouais, et c'est parti. Allez, hop. Voilà, est-ce que ça. Voilà, juste. En fait, elles ont gagné juste assez de temps pour prendre le lead, les joueuses de Bordeaux. C'est Carapouche qui prend le lead. Alors que de l'autre côté, Lucifer galère. Lucifer est en galère. Lucifer est en galère. Je te disais tout à l'heure, apparemment, Lucifer a tendance à s'énerver un peu trop vite quand elle ne le passe pas et ça n'avantage pas son jeu. De l'autre côté, toutes les joueurs sont revenus sur le terrain. On est de nouveau 5 contre 5. Ça y est, ça passe pour Lucifer. Qui fait son premier passage alors que Carapouche tente toujours de marquer ses points. Ça y est, non, je pensais qu'elle allait passer, mais non, Bordeaux joue bien. Et ça passe pour Carapouche. Oui, elle colle. Évidemment qu'elle colle. Là, ça aurait été, je pense, une grosse erreur de ne pas le faire. 4 points pour les petites morts de Bordeaux, 0 pour l'Arpi Brac, 193 à 161. Seb, ça fait combien de points d'écart? Vite! Hein? À peu près. À peu 22. Près? 22, oui. 193 à 171 à 10 minutes de la fin du match. Puis Brac, il va falloir qu'elle fasse un beaucoup. Cela dit, c'est arrivé plusieurs fois qu'elle fasse des beaucoup. Ouais, des braquages. Des vrais braquages. Des pibraquages même. Je pense que c'est pour ça qu'elle porte ce nom, hein, parce que c'est des vraies braqueuses quoi. Ouais, mais face à Bordeaux, c'est moins facile. Ouais. Alors c'est parti pour un jump. Avec un jump qui a démarré au complet sur le track, et c'est passé direct pour Tassinator, la jameuse de Pibrac. Ouais, elle est suivie par Picasso. Picasso, d'un demi-track à peu près. Ouais, power jam, elle va tenter le power jam, et non, Bordeaux défend bien. Bordeaux défend très bien. Ouais, très bien là. Je pense qu'elles ont resserré les vis un peu là pendant ouais, la ouais, mi-temps. Ouais, ouais, ouais, j'ai l'impression aussi. Il y a aussi, une meilleure défense pendant cette seconde mi-temps, je trouve. Je suis d'accord avec toi. Alors, on voit tout simplement, comment ça s'appelle, Lucifer qui passe beaucoup moins facilement. Et Picasso qui marque ses 4 premiers points. Voilà, mais qui n'a pas le lead, je rappelle. Voilà, et donc la plus braqueuse Tassinator qui marque ses 4 premiers points. Donc voilà, en fait, elle n'a pas le lead, mais elle marque des points quand même. Donc. Et je comprends pas, elle continue en fait. Ah oui, parce qu'elle a une joueuse en prison, donc on lui dit de continuer à tourner. Ouais. Alors qu'elles sont en train de prendre des points. Ouais. Ça fait 8 à 4. Ouais, faut récoller maintenant 8 partout, non ? 8 partout, voilà. Non, elle ne colle toujours pas. Elle va attendre. Là, voilà. Et 12-8. Ouais, elle voulait attendre que sa coéquipière sorte de prison. On a 12-8. Pour l'instant, c'est marqué 8 pour partout. Pour moi, il y a 12-8. Oui, effectivement. Ouais. Voilà, les petites morts qui prennent tranquillement de l'avance. Hein. 205 à 179. Ça fait combien ça 26. 26 points d'écart. Encore une fois, 26 points d'écart. Pibrac peut rattraper ça en seul jam. Mais peut-être pas face à Bordeaux finalement. Hein. Bordeaux qui a une très très belle défense dans cette deuxième mi-temps. Ouais. La défense est grandement améliorée. Ouais, les fameux braquages de Purak, ça a l'air beaucoup plus compliqué dès que se trouve face à Bordeaux. Oula, chute de Lucifer. Misty Elliott qui a pris le lead pour les petites morts de Bordeaux. Lucifer qui est toujours pas passé. Misty Elliott qui revient dans le bloc. Voilà, ça y est, c'est passé Lucifer pour. Lucifer qui est agacé, qui lève les bras au ciel. On sent qu'effectivement elle s'agace, celle qui n'a pas l'habitude d'avoir des si bonnes défenses en face. Ouais. Mais c'est très bien pour Bordeaux, 4-0 je crois. Mais bon, Lucifer va bientôt marquer ses 4 points aussi. Ouais. Ça y est, je crois que oui. 4-4 partout. Voilà. Personne en prison, je pense qu'elle va tenter un dernier tour Misty Elliott pour marquer 4 points et peut-être faire appel derrière. Elle jette un petit regard derrière pour voir où elle suit. Ouf, dommage, elle a chuté. Elle ne colle pas. Aïe. Et là. Misty qui ne colle pas. Et donc elles sont à 108 partout, elles sont coude à coude. C'est passé avec une acrobatie de l'espace pour elles pour sont coude à coude. Et prison pour Lucifer. Est-ce que et ses points lui sont retirés, les 4 points qu'elle avait gagné, ouais, sont retirés. Voilà. Ah, Lucifer qui donc est donc c'est un power jam là, on ouais, rentre en power vers, jam. Vers ou... Lucifer en prison qui est dépité. Et ouais. Ça c'est un sale temps, ça, à 7 minutes de la fin du match. Sale temps pour les RP Brakeuses. 12-4, les petites morts devant. 12-4, les petites morts devant sur ce jam, mais aussi sur le match. Et ouais, et puis il n'y a plus de jus là. Non, commence à fatiguer. Ben, Misty Elliott est en power jam, donc faut effectivement qu'elle en profite. Mais ouais, mais là, elle est coincée dans un bloc de 3. Ces joueuses-là de pas l'ont pas aidé à passer ce bloc. Ça, elle est passée. Ouais. 4 points de plus. Et pourtant, Lucifer est revenu sur le track. Elle aurait pu coller peut-être avant pour démarrer en power jam, c'est-à-dire ce qu'on appelle un power start, mais elle n'a pas fait. Peut-être que la fatigue aussi lui enfume un peu l'esprit. Ouais, t'es allé jusqu'au bout du temps. En fait, c'est bizarre. Ouais. Ça aurait pu être collé. Peut-être que je ne sais pas. Peut-être qu'il y a une. Ça fait 16, peut-être 16 à 8. 16 à 8. 8 points d'avance pour la petite mort. Voilà, 8 points de plus, juste finalement. Oui, voilà. Elle creuse l'écart de 8 points, la petite mort. 128 à 187. Aïe, aïe, aïe. Sale temps pour Pibrac. Ah, mais je te dis, ça va être serré jusqu'au bout. Pourtant, on les donnait peut-être pas vainqueuses tout de suite, mais au moins, pour moi, ça avait un petit avantage. Finalement, je me suis trompé. Non, Bordeaux s'est ressaisi pour cette deuxième mi-temps. Très très belle défense de Bordeaux sur la deuxième mi-temps. On voit sur la défense. C'est la défense qui fait la différence concrètement sur cette deuxième mi-temps. Ça passe pour Carapuce, la fameuse de Bordeaux. Ouais, Bordeaux. Non, il y a une. Je crois que d'après ce que je comprends déjà, je crois qu'elle a fait une faute. Elle a utilisé ses bras pour pousser, ce qu'elle n'a évidemment pas le droit de faire. Elle n'a pas le droit d'utiliser du tout ses bras. Donc elle va en prison. Power jam pour Harpy Braqueuse. Est-ce que ça serait le moment de faire un Harpy Braquage? Un Harpy Braquage. Allez, c'est parti. Ah, et ça colle. Ça colle pour démarrer, je pense, un power jam. Ah, mais pourquoi, à ton avis? Parce pour démarrer un power jam sans jammeuse. Un power jam. Avec Lucifer. Un jam sans. Je sens qu'elle va envoyer Lucifer. Avec Lucifer et sans la jammeuse adverse, donc en power jam direct. Non, c'est pas Lucifer, c'est Tassinator, je crois, qui monte sur le track. Tassinator. Je crois. Tassinator qui aussi. Alors, c'est vrai que Lucifer a un sacré niveau, Tassinator est pas loin derrière. Est-ce que ça sera tel moment pour elle se dire il y a combien d'écart là? Tac, tac, tac, 20, 21, 24 points d'écart. C'est ça. Est-ce que t'es d'accord avec moi, Seb? Ouais. Non. 34 points d'écart. Bon, j'imagine qu'elles vont tenter le. Elles vont tenter un jam de fou, un braquage. Mais bon, comme on l'a dit, la défense de Bordeaux s'est améliorée sur cette deuxième mi-temps. Et puis bon, là, elle le voit venir. Elle le voit venir, le braquage. Donc Bordeaux, ils ne vont pas se laisser faire comme ça, je pense. Braquage à l'italienne. Il reste 5 minutes au match et on a une pause demandée par les arbitres. Les arbitres se font une pause, tout simplement. C'est maintenant 5 minutes là, ça a commencé à vraiment se tendre et les ventres vont commencer à se nouer des joueurs, des coachs et des spectateurs et spectatrices. Le stress commence à monter, la tension est palpable parce que là les petites morts sont devant. En vrai, en 5 minutes tout peut basculer. Les RP Brakeuses l'ont déjà fait, mais peut-être pas face à une équipe aussi solide que Bordeaux, cela dit. Je me rappelle plus contre qui c'était le SAM, je crois. C'était le SAM. Il me semble que c'était le SAM. C'était le SAM de Mérignac, qui est aussi une des équipes favorites. Non, je vais regarder ça tout de suite. Il me semble que SAM est troisième. Ouais, troisième. Troisième avec 5 matchs joués et 3 gagnés. Elles sont troisième. Elles sont troisième ex aequo avec les Valiantes et les Contramandistas de Bayonne en termes de matchs gagnés, mais elles sont devant en goal average. Elles ont 325 points contre 204 pour les Valiantes, contre 19 pour les Contramandistas. Une bonne équipe. Ouais. Mais il faut avouer que là, Bordeaux a une défense particulièrement flamboyante, j'ai envie de te dire. Ah, mais c'est là où tu vois tout l'intérêt du coaching pendant la pause. Alors la pause peut faire mal parce que ça peut faire redescendre la pression, ceci, cela, et puis le temps de rentrer dans le match, tu peux te prendre pas mal de jam dans la tronche. Mais là, c'est aussi le moment en fait de revoir les consignes, de voir ce qui n'a pas fonctionné à la première mi-temps, de resserrer les vis. Et là, Bordeaux apparemment a su pas mal le faire parce que la défense, c'est le jour et la nuit. par rapport à la première mi-temps. Ouais, ouais, là vraiment, c'est la défense qui change tout, je pense, sur cette deuxième mi-temps, effectivement. Les Harpies Breakers, et puis voilà, les Harpies Breakers ont tendance peut-être à s'énerver, à faire. Quand elles ne passent pas, elles s'énervent et ça ne les aide pas à réfléchir calmement, à se poser la question de comment est-ce que je peux. Oui, puisqu'il y a la fatigue aussi, donc tu sais, il y a tout qui diminue, donc tu perds patience plus facilement. Et donc tu t'énerves. Et là, je trouve que pour le coup, Bordeaux reste confiante, reste vraiment dans les clous. Elles savent qu'elles ont l'avantage. Elles ne tentent pas trop de choses au risque de perdre cet avantage-là, mais elles restent vraiment très solides sur leur position. Et donc, c'est peut-être comme ça qu'elles vont finir par gagner, par finir par battre Pibrac. Bah, si elles arrivent à maintenir ce niveau de défense jusqu'à la fin du match, elles se font un beau cadeau. Et on les sent, quand on voyait Lucifer s'énerver, j'ai vu T-Time souffler aussi, un peu d'exaspération, de fatigue. En face, j'ai l'impression que ça reste très calme, très concentré. Ouais. Bordeaux, je ne vois pas de débordement du tout. Il y a des fautes, évidemment, comme tous les matchs, mais ça, c'est pas forcément les romans. Parfois, ça peut être complètement autre chose. Là, Bordeaux, je trouve qu'elle joue bien. À noter aussi que j'ai l'impression que Bordeaux est beaucoup moins souvent en prison que Pibrac. Ouais, aussi. J'ai vraiment cette impression-là. Ouais, ouais. On démarre soit dit sur un power jam de Pirac, je rappelle, donc là c'est le moment pour elle d'essayer d'engranger les scores, mais Bordeaux ne se laisse évidemment pas faire. Elle va en prison. La dameuse de Pibrac qui donc va en prison. Belle défense de Bordeaux là, encore une fois. Là. Voilà, alors ce qui se passe quand il y a deux jameuses en prison, c'est que là, celle qui est en premier repart et le temps qu'elle a fait va être attribué. Et voilà, et ça passe direct pour la jameuse de Bordeaux. Et elle est rentrée, elle a passé le lead. Pam pam. Et carapuche. Ce lead. Aïe aïe aïe, ça c'est un gros coup dur pour la Piraqueuse qui avait l'avantage. Mais voilà, elle s'énerve, elle fait des fautes, elle va en prison. Aïe aïe aïe. Alors. Lucifer, c'est la jameuse chouchou de notre ami Bichente, et moi, ma jameuse chouchou, c'est Carapuche. Carapuche, des petites morts qui est en train de monter. 4 points pour l'instant. Tassinator qui est revenu sur le track, mais qui doit encore faire son passage initial, alors que du coup. Et ça passe pour Carapuche. Trois tours d'avance maintenant sur les Harpies Breakers. Et ça passe pour Bordeaux. C'est très très mauvais pour. Ça passe pour Pibrac, ça y est. Voilà, je pense que Bordeaux va tenter un dernier petit passage avant de faire appel, d'arrêter le. Et de coller, ouais. Elle colle, voilà. Elle est passée, elle est collée. Je pense qu'elle apprend 2-3 points ce truc. Ouais, peut-être. 2-3, je sais. Oh, peut-être. Ouais, moi j'ai vu passer au moins 2, voire 3, je suis pas sûr. Voilà, l'arbitre des petites morts consulte les autres arbitres pour s'assurer qu'il est bien vu. Nombre de points. Dans la cohue comme ça, c'est assez difficile à. Alors, à voir. Combien 3. Combien 3 points. Ah, tu vois, j'avais 3 vu 3 points. Petit mais mort, le troisième, j'étais pas sûr. Ce qui fait monter le score à 11 et 0 pour les Harpies Breakers. L'écart se creuse encore. 232 pour les petites morts de Bordeaux, 187 pour les Harpies Breakers. Il reste 3 minutes 30 sur le match. Et C'est Lucifer qui prend le lead sur ce nouveau jam. Picasso est derrière d'un demi-jam. Aïe aïe aïe aïe aïe. Est-ce que. Ça y est, Lucifer qui rentre dans la mêlée. Alors, on vient de me donner une information à l'oreillette. Oui, dis-moi. Comme quoi, en fait, après ce match, Bordeaux gagne et les Harpies Breakers perdent, ça ne définit toujours pas le championnat. Parce que ça sera le premier match des Harpies Breakers perdu. Oui. Mais Bordeaux leur reste encore un match à jouer. Oui. Donc ça sera suspense jusqu'à la fin du week-end. Oui, effectivement. Mais elles sont, pour l'instant, elles sont à égalité. Ce sont les deux premières du championnat à égalité. De fait, ça ne va pas définir le championnat immédiatement après ce match. Mais de fait, ça donne un énorme avantage à l'équipe qui va gagner maintenant. Oui et non. Parce qu'elles auront battu quand même leur rival. Mais en termes de défaite et match gagné, là, si Happy Breakers perd ce match mais gagne le suivant et que Bordeaux gagne ce match mais perd le suivant, elles sont toujours c'est vrai, mais elles ont moins de chances de perdre le suivant face à une équipe qui sera a priori moins forte que Bordeaux, qui est ex aequo première. Et Bordeaux, c'est vrai, on le rappelle que Bordeaux a perdu contre les Valiantes. Donc, les Valiantes savent créer la surprise, c'est vrai. Les Valiantes savent créer la surprise. On va voir. Elles font peur maintenant dans le championnat, les Valiantes. On va voir ce que ça va donner ce soir. Encore une pause demandée par les arbitres. Ah, il y a une blessée. Une blessure apparemment. Voilà, celle qui a chuté, là, je pense, tout à l'heure, de chez Pibrac, qui a parti sur le banc, mais Elle est peut-être pas partie sur le banc entière. Non, mais tu sais que quand on est dans le feu de l'action, encore ouais, c'est chaud, tout ça, ouais, voilà. On sent pas forcément, et quand on se repose, on se dit ah tiens, peut-être un petit problème là. Voilà. Bon, il reste 2 minutes 23 de. Ouais, gros écart pour Petite Mort, 39 plus 9, ça fait 48 points d'écart. Je sais pas, moi, ça fait. Est-ce que t'es d'accord avec moi sur ce mathématiquage? Attends, ça fait 39, 10, 49, moins 1, 48 points. 48 points d'écart, c'est ça. 48 points d'écart, oui, c'est ouais, ouais, je crois. Okay. Je crois que c'est ça. Ce que j'ai dit. 48 points d'écart à 2 minutes de la fin. Effectivement, Pibrac a déjà remonté ce genre de score. L'a déjà fait au moins une fois. Cela dit, c'était pas face à Bordeaux. Et cela dit, je suis pas sûr que l'écart était aussi grand. Là, il faudrait faire deux jams de. Combien on a dit 48 deux jams de 24. Deux énormes jams, quoi. Ouais, deux énormes jams. Deux c'est énormes jams face à. Trois. Face à l'équipe qui est première ex aequo certes, mais première quand même du championnat. Et qui a rehaussé le niveau de sa défense. Exactement. Donc là, c'est... C'est mal engagé. C'est mal engagé pour Pibrac, on va pas se mentir. 239 pour les Petites Morts de Bordeaux, 191 pour les Harpies Braqueuses. Mais pourquoi pas? Et ça passe... Ça passe pour les Harpies Braqueuses. Qu'est-ce que c'est? C'est Tassinator pour Pibrac. Ouais, elle est suivie... Quand elle sort, Pibrac, quand elle sort... Elles sont toujours suivies très très vite derrière par les petites morts. Rapidement, ouais. Et c'est pas forcément vrai dans l'autre sens. Hein. Ouais, c'est clair. Oula, ça arrive très vite et très ouais, fort. Ouais, pour, ouais, ça arrive pour Bordeaux, ouais. Pour Bordeaux qui déconne pas. Mais bon, qui a fini dehors. Bordeaux qui fait une belle défense. Ouais. Pibrac aussi, ça chute du côté de défense Pibrac. Et ça passe pour Bordeaux. Pour Bordeaux, ça passe. Oui, Bordeaux, pardon. Ça passe pour Bordeaux. C'est Pibrac qui a l'avantage. Ouais, qui a galéré et a l'avantage, mais c'est la deuxième à sortir du premier bloc de points. Ouais, donc elle part partout, mais elle peut arrêter le jump quand retard. Elle veut, mais elle est en retard. Donc, ouais. Qu'est-ce qu'elle fait dans ces cas-là? Ben, c'est difficile. Il faut juste espérer que son équipe arrête la jameuse adverse à temps et qu'elle puisse passer. Alors. Ça pourrait se produire, mais. Ah oui, non. J'ai cru qu'elle allait passer, mais non. Ah, Power Jam. On est en Power Jam du côté. Jam, ouais. De côté de la Cuba. Ah, ben non, les deux jameuses sortent. Les deux jameuses sortent, donc bon, elles vont faire. Le temps que l'autre arrive, il y aura quoi, 7 secondes. Ouais, parce que les deux peuvent pas être sur le banc en même temps là. Non, donc. Non, l'autre arrive, voilà. Donc quand la seconde arrive, la première repart et la seconde fait le même temps que la première. Normalement, c'est 30 secondes, mais là, ça sera moins évidemment, ça sera 7 secondes peut-être. Par contre, les deux perdent le lead et donc on ira jusqu'au bout de ce jam, il reste 50 secondes. Ça paraît rien, 50 secondes sur des patins à essayer de forcer des murs d'adversaires, c'est énorme. Le retour de la jameuse de Pibrac sur le track. Ouais, 42 secondes. Et c'est une bloqueuse de Pibrac qui part sur le banc. Comme tu disais, Pibrac, ça y va souvent en prison. Ouais. On a 4 partout pour l'instant, aucun avantage. Les deux jameuses sont au coude à coude, aucun avantage, plus de lead. Là, c'est vraiment à celle qui va mettre le plus de points et pour l'instant. Ah, j'ai l'impression que c'est Pibrac qui va peut-être réussir à passer en premier. Ça défend très fort, bien. Et ça s'est recyclé du côté de Bordeaux. Ouais, ça passe pas des deux côtés. Hein, ça chute, elles sont fatiguées. Elles sont très très fatiguées. Toutes les joueurs sont fatiguées. Est-ce que Pibrac est en train d'abandonner? J'ai l'impression. On est à la fin. Il va rester un petit jam derrière ça. Je crois qu'on peut annoncer que Bordeaux a gagné. Et fin du temps, ouais. Je pense que il reste 10 secondes. Il me semble, alors j'ai pas une bêtise, mais il me semble que s'il reste seulement un peu moins de 20 secondes comme ça, il faut qu'une des équipes demande expressément à l'arbitrage de faire ce dernier jam, mais c'est pas obligatoire. Ouais, c'est d'abord, c'est. Il me semble. C'est plié quoi, là. On est voilà, et là on était à combien 48 points d'écart toujours. Ah non, attends, on laisse finir le scorage sur le tableau parce qu'ils arrêtent pas de changer. Mais bon, je pense que oui, effectivement, c'est perdu pour Pibrac sur ce coup-là. Bordeaux qui a fait une très très belle deuxième mi-temps, avec une très très belle défense, une défense qui s'est améliorée sur la deuxième mi-temps, qui était beaucoup plus solide, qui a beaucoup plus empêché Pibrac de passer. Bah, on finit avec 49 points d'écart, donc un peu plus que... Donc, dernier jam. 247 pour les Petites Morts, 198 pour les Harpies Braqueuses. Déception, je pense, pour les Harpies Braqueuses. Gros soulagement pour Bordeaux, qui passe première du classement. Classement, en tout cas, provisoire. Enfin, provisoire. Ouais, du week-end. Puisque pour l'instant, Bordeaux a gagné tous ses matchs. Alors que Pibrac, ça y est, en a perdu un. Hein. Ouais. Vient d'en perdre un. Gros avantage donc, pour Bordeaux sur ce championnat. On va voir ce que ça va donner ce soir pour les Harpies Braqueuses face aux Valiant Beaches. Mais voilà, c'est très bien parti pour Bordeaux en tout cas. Hein. Ouais, c'était bien ils parti. Battu, ils ont battu le rival, ils ont battu l'équipe. Puis elle se met 49 points au goal average aussi. Ouais, qui, c'est ça. Qui compte beaucoup dans le championnat, donc c'est très intéressant pour elle. Ah, beau match de Bordeaux là, qui a su réagir pour la seconde mi-temps en recadrant sa défense et ben, ça a fait la différence concrètement. C'est ouais, ça ouais. qui a vraiment fait le. La différence, excusez-nous, on se fait interpeller. Alors, on est en plein commentaire à la radio, on se fait interpeller. C'est incroyable. Il n'y a plus de respect. Un quoi. Manque de respect, pareil. C'est incroyable. Moi, ça me. Oh là là là. Voilà. Ça, bon, ça, ça, ça, on va pas balancer, ça, mais ça me fout les vésicules. C'est une joueuse des Valiant en plus. Hein, en plus. Incroyable, c'est Valiant. Hein, score final, donc 237 pour les petites morts, 198 pour l'RP Braqueuse. Énorme avantage pour Bordeaux qui bat le rival. Les deux étaient, je le rappelle. Était première au classement, ça y est, Bordeaux est arrivé première, est enfin seule première au classement et Pibrac passe seconde si je dis pas de bêtises. Et voilà, Seb, c'était mais, cool hein. Ouais, c'était cool, mais je t'avais dit, tu vois, tu me demandais, je t'avais dit que ça serait serré jusqu'au bout et finalement ouais. À la fin ça s'est. Ouais mais je pense que j'ai l'impression que Pibrac a un petit peu abandonné, ils n'arrivaient plus à passer. Ouais. En fait c'est la défense de Bordeaux qui a fait que psychologiquement ça a été plus difficile pour Pibrac. Je t'avais dit la pause et la deuxième mi-temps. Ouais, ouais, on allait ouais. voir la différence c'était, peut-être ouais. sûrement là et voilà. Très bon match pour Bordeaux, félicitations, très maîtrisé je trouve pour Bordeaux. Ouais, parce très que très bien. La défense est très belle, l'attaque est très bien aussi. Très peu de fautes, elle très peu de prison. Très peu de fautes, elle passait très souvent, quand elle passait seconde, elle passait très vite après. Ouais. C'était très rare que les bloqueuses, les jammeuses de Bordeaux restent bloquées pendant longtemps. Donc voilà, très joli. Prochain match, ouais. Seb, tu seras toujours avec moi ? Je sais pas du coup. A priori ? Ouais, j'ai pas le choix. On va dire qu'a priori oui, à moins que quelqu'un vienne nous remplacer. On va essayer de recruter pendant la pause. 15h15, on peut essayer de recruter, oui. Je sais qu'il y en a qui sont déjà passés, des joueurs des Valiant qui sont déjà venus speaker. On va voir si ils ont un petit créneau à nous accorder. 15h15, ça va être les Full Metal Punket de Tarbes contre les Contrabandista de Bayonne. Contrabandista, donc, qui sont combien, du coup, 3e à égalité avec le Sam et les Valiant. Ouais. En termes de. Évidemment, je parle qu'en termes de match gagné, Guadalajara, ils sont derrière. Et Tarbes. Qui sont dernières, je crois. Attendez, je vais vérifier ça. Mais il me semble aussi. Me semble bien que Tarbes. Ah non, c'est les Seagulls. À égalité. Ah non, à égalité. En termes de match, les Seagulls et les Full Metal sont à égalité. Et c'est les Full Metal Punket qui ont quelques points d'avance, une petite trentaine de points d'avance. Au gros average. Ok. Donc, Full Metal Punket avant-dernière contre les Contrabandista qui sont techniquement 5e. Mais en termes de match, gagné, égalité à égalité, 3e. Seb, je te dis à tout à l'heure. À toutes. À tout à l'heure, 15h15, on se retrouve 5 minutes avant. À tout à l'heure tout le monde.